En direct du bar des studios Young Media, vous écoutez l'épisode numéro 88 de la saison 2018-2019 de la soirée du podcast. Hey! Oui, madame. Avec du son cette fois-ci, mesdames, oui. Messieurs. Oh! Et voilà, règlement de départ pour le podcast de ce soir. Le numéro 31, JF Mallette. Yeah. Le numéro 21, Dave Thibodeau. Hey, boy! Le numéro 98, Alex Galipeau. Yeah. Et le numéro 75, votre animateur, JF Cramp. Hey, c'est tellement d'agrément, cette musique-là. C'est-tu que c'est merveilleux, ça, tout tenu. Écoute, Jacques. Et on remercie Diane Bibeau à l'orgue. Yeah. Donc. Il y a un bout en plus dans tout, ça devient comme super intense, là. Là, genre. Ah non, c'est après ça, ça devient comme. C'est vraiment comme ça s'emporte, là. Ouais! Là, c'est là. Non. On n'a pas le temps. C'est trop long. Donc, émission de discussion ouverte sur le Canadien de Montréal et la Ligue nationale de hockey. Et on vous en parle, bon, bien sûr. Ouverte, on est assez fermé. Ouais, passion et boisson, des sujets chauds couverts par des gars chauds qui oublient d'ouvrir le micro quand ils commencent. Ouais. Donc, cette deuxième intro est une présentation de Diane Niveau. Voilà. On dirait que j'ai un slinky. T'as un slinky. Fait qu'on va aller faire sur ça l'avant-match. Pendant que Dave déroule ses écouteurs, on remercie nos Patreons. Ils sont nombreux, alors on ne les nommera pas. Déroule parce qu'on n'a pas de nouveau cette semaine. Fait qu'on les nomme pas, ils en sont. Merci quand même. Parce qu'on a eu aucune question des Patreons cette semaine, fait qu'on n'est pas content d'après eux autres. C'est dommage. On a pris des questions, par exemple, sur Facebook. Et si vous êtes, de la modélo pour vous. Si vous êtes live sur Facebook ou sur Twitch, on va prendre vos questions pour pour la fin du show, dans le fond. Il y a Mighty Joe qui fait dire « Oi! » Oui! Voilà, fait que c'est Dave. C'est maintenant ma nouvelle, mon nouveau son notification pour mes messages. C'est excellent. Ah ouais, c'est hot. Si tu veux la présentation des joueurs pour ta sonnerie de téléphone, ça m'a envoyé. Ouais. Faisons que le pool, Dave. Donc, le pool en cinquième position, Miguel B. Wallet. Miguel. Quatrième position, Nicolas Lamoureux. Troisième position, André Hull. Deuxième position, Alan Bernard. Bernard. Première position, et encore et toujours, Jean-Michel Brière. Il va être dur à déloger. Ben, différentiel de plus 9 là, sur le deuxième. Oh, quand là. Ça se rattrape. Puis pour ce qui est de la soirée du podcast. Pour ce qui est des membres de la soirée du podcast, le premier dans la liste, c'est Jeff Mallette avait à 18e position. Oh, t'as descendu, pardon, moi? Ouais, ben c'est serré. Hey, moi, j'ai monté en tabarnak. Ouais, toi, man. C'est fou, man. Man, je suis rendu 22e. T'es à côté de moi, comme 40 cucks, là. Hey, j'ai une. J'ai un bon trade. L'aîné. Ah, ben ah, tu l'as pris? Je l'ai repris. Tu vois, t'as fait ça. J'ai scrappé deux échanges pour échanger l'aîné pour Austin Matthews puis reprendre. Ouais, je vais tellement faire. Ah, j'ai pas fait. Oh, lisse. I wrote it out. Mais là, je suis fourré avec Trocheck. Va falloir que je le change. Ah. Tu vas savoir quoi faire dans une semaine? Ouais. Fait que c'est ça. Ça semble bien loin. Non, 25, JF Cromp. Non, mais pour moi. Après si. Checker tantôt. Check dans les 50. Alex 52. Martin. Mart Véro 56. Puis l'autre petit gars qui est pas là, jamais. Le numéro. Il est 63. Ouais, c'est le réserviste. Le dernier, c'est qui, là? Pour qu'on le shame. Le dernier, c'est... Ça change à chaque fois, on dirait. C'est Stéphane Jean-Pierre. Non, c'est le même. C'est encore le gars avec deux prénoms. C'est le gars avec les trois prénoms. J'ai trois prénoms. C'est Stéphane Jean-Pierre. C'est le même. C'est ça, le bonus d'être dernier. Ils ont fait le pool à trois. C'est trois personnes qui ont fait le pool. Qu'est-ce qu'ils font s'ils gagnent le T-shirt? Ils split? Ils prennent un extra large et ils rentrent tout dedans. Non, mais c'est... Fait qu'on va aller faire le début du podcast, coudonc. Ah, voilà. Donc... Et voilà. Résumé des matchs entre les deux podcasts, messieurs. T'as de la merde. C'est pas vrai. T'as-tu noté celle-là d'aujourd'hui? Ouais, bon, on l'a vu tantôt. On l'a vu venir, d'ailleurs, la défaite tantôt. Samedi 10 novembre, Vegas contre Montréal, une victoire de 5-4. Alors, le retour de Pacioretty à Montréal. Fuck you, Pacio. Qui a été éclipsé par Tatar. Tatar. C'est trop mainstream pour nous autres. Je sais, ça, j'y ai pensé. Thomas. Tatar. Nous autres, c'est mieux le oi parce que personne ne sait de où ça vient. Ah oui. Ça ressemblait quand même. Ouais! Dave, la tonalité est quand même bonne. Ouais, je commence à être dedans. Chris, la tête aux joueurs. Non, ouais, le pire, ouais. Là, c'est que moi, mon téléphone est tout le temps sous vibration, mais comme tout le temps. Puis depuis que j'ai mis ce son-là, je lui ai remis du son. Juste pour l'entendre. Moi, j'avais mis l'affaire de Tatar parce que Tatar, il a écrit comme hey, c'est qui ce gars-là? Je vais lui donner une paire de billets, mais il a donné. Ah ouais? Ouais, il l'a trouvé. Il est allé voir la game de Washington. Malade. C'est super. C'est excellent, ça. Est-ce que quelque chose à dire sur la game de Vegas, à part que Pacheco n'a rien fait? Alors, il a fait 9 shots au net. Il a essayé. Mais il y a une bonne séquence, le Pacheco. C'est ça. La petite séquence vidéo pour lui rendre hommage. Là, je l'ai pas vu. Ça s'est passé en début de match. Ouais, j'ai manqué. Ils étaient applaudis. Hey, pourquoi ils ont pas fait ça? Ils ont fait aussi un petit genre d'hommage à Plecky pendant la même game. Mais lui, il était... Non, c'était pas la même game, Plecky. Plecky, c'est tout de suite l'autre d'après. C'était pas celle qu'on voulait. T'es sûr? Moi, je pense à la même game. Ah oui, c'est dans la même game. Parce que Plekanec, il y a plus de monde qui l'a applaudi. Il y a plus de monde qui l'a applaudi ben oui, que ben pour oui, Patrick Reddy. Oui, parce qu'il était dans la loge avec lui, t'as raison. Ah, puis ça a duré plus longtemps, l'hommage à Plekanec. Mais il aurait dû y mettre un petit vidéo. Mais ils en ont peut-être mis un, mais pendant c'est l'entraque qu'on l'a pas vu. Ouais. Puis après ça, mais ils ont commencé à huer Patrick Reddy au cours de la game. Ouais, mais c'est correct. Si tu veux huer à l'ancien joueur du Canadien, ça veut dire « you made it ». Ouais. Correct. Mais bon. On te respecte. C'est ça, on te respecte de notre. Mais on te respecte, pote, on t'a eu. Ouais. Tu sais, on a eu Subban quand il vient. Tu sais. Ouais, ben, t'sais. Ah, c'est vrai. Ben. Ah, mais lui, je le respecte pas. Ah, ouais, mais il y a plein du monde qui le respecte. Lui, c'est côte de Il y a plein de Subban lovers out there. Là, puis mais il y a oui, plein c'est correct. C'est chapeau de poêle. C'est la tradition. C'est chapeau de pimp. Ça porte, bon. Des, ça porte des Tims. Hein. Des Tims. C'est pas à cause que c'est un noir avec un chapeau de poêle que c'est un pimp. C'est du profilage racial. C'est du profilage racial. C'est comme j'ai dit que Stéphane Jean-Pierre c'est un haïtien parce qu'il a 3 prénoms. Si c'est ça, pour vrai, ça serait carré. Ça risque d'être ça. Écris-nous pour savoir si c'est vraiment ça. Excuse-moi, JF. Il écoute peut-être même pas le podcast. Ouais, il a juste fait le pause pour gagner le t-shirt. C'est JP son nom. C'est même pas, c'est Stéphane. C'est Stéphane, ouais. Stéphane Jean-Pierre. C'est quel est son prénom? Hey, c'est fait beaucoup trop de temps qu'on pense sur Stéphane Jean-Pierre. Mardi 13 novembre, Montréal contre Edmonton, défaite de 6-2. Ouais. Oh ça, c'était pathétique. Oh là là. Mais tu sais, les 6 des games dans l'Ouest que j'écoutais juste au début, jamais à la fin. Il y en a une que j'ai plutôt complet, moi. Moi, je pense que les Canucks. Ah, c'est pour ça que je t'ai pas gagné cette année. C'était ben pas oui, ce mais c'était 9h. Était plus tôt. Ouais. Non, ouais, la, ah non c'est l'autre après contre Calgary, moi, j'ai plutôt complet. Ouais, plutôt, je l'ai écouté Calgary, complet. Calgary, c'est 9. Puis, en fait, je me suis endormi dans mon lit avec mon téléphone dans la face, ah ouais? Genre. Là. Ça, jeudi, le 15 novembre, Montréal contre Calgary, une victoire de 3-2. Alors, le retour de Price. Le retour de Price, ouais. Price qui était fort. Très bonne game. Il y a eu 2-3 bonnes games après ça. Après ça, samedi 17 novembre, Montréal à Vancouver, une victoire de 3-2. Yeah. Ouais. Good game, good game. Beau voyage dans l'Ouest, 2 victoires sur 3. Une autre belle game de Price. Ouais, ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu 4 points sur 6 dans l'Ouest. Ouais, okay. Ensuite, lundi... 2 victoires dans l'Ouest, parce qu'on a tout le temps la même série de matchs dans l'Ouest comme... Oilers, Calgary, puis Canucks. On finit avec Vancouver. D'habitude, on se fait tout le temps. À la pace, quand on fait San Jose, Anaheim, LA. On se fait rosser. Ouais, c'est peut-être des hauts scores. Mais c'est là qu'on fait San Jose, Anaheim, LA. Ça et tout, on se fait rosser. Ça, c'est pénible. Dans l'Ouest, dans le bas, là, c'est ben, on est chanceux parce que cette année, dans l'Ouest, ça va pas bien. Ouais, mais la métropolitaine, pas la métropolitaine, la. Glen? Le Pacifique, là. Crise de. De powerhouse cette année. Ah non, ça va pas bien pour eux autres. Il y a Shankly qui va faire les séries. Après ça. C'est les Ducks sont 23 points. Attends, sont là, il essaie de dire un match. Non, mais ouais. Il finit son commentaire. Le lundi 19 novembre, ouais. Washington contre Montréal, une défaite de 5-4 en prolongation avec Ovi qui a applaudi. Ouais, c'est c'était Price. Cool ça. Hey, Price a été solide, man. Ce game-là. Son meilleur match. Jusqu'à la fin. Ouais. Ouais, mais c'était son meilleur match de Price. Ouais, il a quand même laissé 5 buts. Mais le pire, c'est qu'il a bien gaulé. 5 buts, mais il a bien gaulé. Ça aurait dû être 10-4, ce match-là. Ah, oh, il est en feu. Non, c'est l'inverse de temps feu. Ben, ça dépend, non, parce que c'était pas. C'était l'autre goaler au début pour. Capitals, c'était. Ouais, un spaghetti. Comment? Je sais pas. Non, c'est pas. Un spaghetti. C'était pas un italien, c'est-tu? Il y a deux styles de noms, en tout cas, whatever. Il y a deux prénoms. Coldplay. Ça s'appelle Stéphane Champion. Coldplay. Ça s'appelait Coldplay. Stéphane Champion. Coldplay, oui, c'est ça, c'est Coldplay. C'est Coldplay. Coldplay? Oui, Coldplay. Ouais. C'est Coldplay. Coldplay. Moi, ça, je l'appelais même Coldplay. Coldplay. Ensuite, mercredi, 21 novembre, Montréal à New Jersey, des fêtes de 5-2. Mais ça. Il y a du fuzz. Ils n'ont perdu aucune game à domicile, New Jersey. C'était la seule bonne nouvelle. Ça, je m'en fous, mais la façon que le Canadien a joué, c'était pathétique, man. Ah, ça, c'est la première game cette année que j'ai dit « fuck off, je ne l'écoute plus ». Ah ouais? Ouais, toi, t'as plus de ça. Ton micro est-tu fucké, Dave? Allô? Ouais, OK. Ça, c'est la première game cette année que j'ai coupé et j'ai dit « fais-tu quoi, je suis allé jouer au PlayStation ». Non. C'est laquelle, ça? Je dis à la façon New Jersey. New Jersey. Puis j'ai dit, c'est sur le chat, I'm out. Moi, c'est fini. Ouais, moi aussi, c'est comme j'ai écouté jusqu'à début début de troisième. Bon, moi, quand ça a fait 4-1, je finis. C'est juste parce que ça jouait en background, puis j'ai pas pris le temps de changer le poste parce que j'avais d'autres choses. D'autres choses. D'autres choses. Je me jouais après le pénis. OK. Et cet après-midi, 23 novembre, vendredi, Montréal contre Buffalo, défaite de 3-2. Ah, attends. En prolongation. Ben. Ils ont travaillé fort, c'était mais pas si pire mais comme match, mais c'est là que en prolongation, on est tellement mauvais. Buffalo sont en feu. On a des nouveaux joueurs qui arrêtent de réagir. Tout le temps, l'autre équipe qui est meilleure. Oh, Buffalo est en feu. L'autre n'a jamais perdu. Je vais donner une défaite à la mallette. On peut pas toutes les gagner. Mais l'autre équipe était meilleure. C'est vrai, j'ai dit tout le temps, mon gars. On peut pas toutes les gagner. Tu sais, l'affaire No Excuse. Mais mallette, tu peux pas avoir plus raison. On peut pas toutes les gagner. Ça existe pas. Mais arrête de dire que l'autre team. Buffalo, ils se sont battus jusqu'à la dernière minute. Tout c'est une équipe. Mais man, sérieux. Tu n'avais pas la game, tu mangeais ton général Tao. Ben là, j'ai vu la dernière minute, man. T'as vu la dernière minute. On méritait de perdre pour la fin de période. Ah ouais, ouais. Mais on n'aurait pas dû perdre cette game. Non, on aurait dû gagner. On aurait dû gagner. Mais c'est pour ça qu'on va s'en prendre contre Boston. J'ai bien hâte de voir ça. Après ça, si on se fait battre, on va dire, mais tu sais, Boston, si on peut gagner Boston, une. Ça va être. C'est ça, on peut pas toutes les perdre. On peut pas toutes les gagner. Boston, t'es dû en gagner, les gars. 4.18 si on gagne demain. 4.18, c'est pas. C'est 500, ça. Moi, il y a des affaires que ce soir, que je vois, que Julien fait, qui me dégoûtent. Genre, Schlemko sur le 3 contre 3. Hostie, qu'est-ce que c'est ça, Calis? Mais moi, il y a des affaires qui me dégoûtent. Schlemko. Ben, Schlemko tout seul. Juste dire Schlemko, ça me dégoûte. Il dégoûte, puis Chris, il met là 21 minutes, 22 minutes. Mais en même temps, il n'y a pas personne d'autre. Arrête, je fais un même jeu. On va aller faire nos plus et nos moins, justement, pour la période de ces 1, 2, 3, 4, 7 matchs en deux semaines. Quand même. Gros calendrier. Je pensais que je cherchais période 1, 2, 3. On est-tu à la période 1, non? 1, 2, 3, qu'est-ce que c'est? Allons-y avec notre plus, parce que soyons positifs, commencer. Jeff, vas-y avec ton plus. Carey Price. Ah, je savais. Ah ouais, c'est pas son chandail. Non, c'est ça. Puis j'ai lu de quoi aujourd'hui par rapport à Carey Price, là, que j'ai trouvé ça correct. Parce que, tu sais, à Montréal, ici, là, le monde n'exagère pour absolument rien puis analyse chaque petit point de phrase que le gars, il dit. Puis Price, il a dit, tu sais, quand j'ai dit que c'était « upstairs », il dit, je pense que le monde a comme trop exagéré. Mais non, il s'est backé en disant ça. Il a avoué qu'il avait un problème lui-même à régler. Non, mais c'est parce qu'il y a du monde qui disait, il est en dépression majeure. Ouais, je pense qu'il est bipolaire. Ouais, on devrait. Ça. Doc Mayou, il a offert son aide. Ouais, mais faut pas que tu. T'es sérieux, toi? T'écoutes Doc Mayou? Non, mais c'est sorti comme dit, s'il veut, moi, je suis prêt à l'aider. Mais ça serait peut-être bon. Moi, je suis juste à Cube Radio. C'est quoi, un coup de jambe de bois? C'est parce qu'il l'a dit à la radio. J'ai pas entendu de vive voix. Fait que c'est ça, parce qu'il y a pas de tribune. Tout le monde paniquait, dit ah, Price est brisé, si ça. Puis finalement, Chris est revenu en forme contre les Flames. On va avoir besoin d'un plus gros échantillonnage pour considérer qu'il revient. Dans la période, par exemple. C'est ça, mais. Trois bonnes games. Tu sais, mettons, là, pour moi, c'est un gars qui est brisé puis il est fini. Il aurait peut-être donné un autre 5 buts. Ouais, mais. Le match contre New Jersey, une coupe de buts facile. Ça, dire. Ah, ben là, c'est une passoire devant lui. Ça, dire que. Lui tout le nez. Dire qu'il est brisé puis il est fini. Ça, c'était pas. Ça, c'est des fans de marde qui connaissent fuck all. Y es-tu bon présentement? Non. Y a-tu été bon dans les 3-4 dernières games? Les deux dans la semaine, oui. Il a été bon. La seule game qui était moins bon, c'était contre New Jersey. Depuis le début de la saison, y a-tu été bon? Non. Non, mais c'est une question de séquence. Mais en même temps, mais ça y prend une séquence. Des excuses. Non, mais un autre point qui est important, Price, il l'a dit hier en entrevue. Non, c'est vrai. Il va juste se loguer. En entrevue, là, hier, tu sais, dans le fond, on voyait, je sais pas si vous avez des séquences de vidéos, Weber, là, qui brassait le monde devant le filet, là. Mm. Price, il a carrément dit, il dit, ça fait du bien de voir quelqu'un qui fait le ménage devant le filet. Il a raison, parce ben que oui, les raison. Gars, c'est des il poids vraiment, plumes. Mais tu sais quoi, il a raison, mais en même temps, quand tu dis ça pas. C'est pas pour ça qu'on blâme. On blâme Price. Et on blâme ça. Price parce que Chris, il nous a pas volé un match depuis non, un nasty de bout. Ben, dernier, c'était Boston. Non, c'est ça. Ben, il a protégé deux matchs contre des Flames et à Vancouver. Il a protégé l'avance qu'on avait. Mais voler un match, là, que ce soit à cause de lui qu'on gagne, ça c'est fait ça, mais longtemps en Chris. Il reste 60 games. Grâce à lui. Parce qu'à cause de lui, il fait bizarre. Hey, on a gagné à cause de Price. Okay, grâce à lui, c'est un match qu'on a gagné. Grâce à lui, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Mais moi, j'aime mieux avoir un Price qui a plus de difficultés en début de saison, puis qui soit en forme, mettons, après la limite des échanges. Pour le dernier droit de la saison. Yeah, mais ça, c'est vraiment comme. Tu serais un DG, tu serais à ça. Non, mais tu dis pas à ça. Mais c'est un bonus si ça marche. Ouais, mais c'est du gambling. Ça, c'est nivelé par le bas. C'est considérant que le Canadien, à ce moment-là, dans l'année, dans la saison, va être en bonne position pour soit faire les séries ou va être déjà dedans. Tu sais. Être déjà dedans, ça va être plus dur parce que je m'attends à une lutte serrée jusqu'en fin de saison. C'est, c'est sûr, on est dans le wild card mais déjà. C'est sûr que si, mettons, pour, tant qu'à se battre pour une place en série, faut juste espérer que Price performe puis qu'il y a une bonne séquence, mettons, si qu'il augmente sa moyenne de Belle Louis, qu'il gagne 3-4 ans en ligne. C'est longtemps qu'on n'a pas gagné deux cap. Il faut montrer ça constamment. Comment t'as dit ça? Hein? Sa moyenne quoi? Sa moyenne d'efficacité. Il y a 10 ans moyenne de buts alloués. Ah, buts alloués? Ouais, c'est ça. Ah, mais en étant le meilleur gardien au monde. En étant le meilleur gardien au monde, devrait faire ça non, constamment. Non, c'est pas le meilleur gardien au monde, c'est pas lui qui a gagné Vizina l'année passée. Mais, c'est pas Vizina, c'est pas dire le meilleur gardien au monde. Ben, NHL, c'est le meilleur gardien au monde. Les Olympiques, puis tout ça. Le meilleur gardien de buts au monde, il change à chaque année. C'est ça, c'est un title. Puis même si il change à chaque année. Justement, c'est pas supposé. C'est pour ça que t'es consistant, tu sais. C'est pour ça que ton plus. C'est pour ça que t'es payé 10,4 millions. Hey, mon plus, ben, c'est un bon choix. J'ai pensé le donner à Carey. Il a quand même été bon. Mais je l'ai pas donné à Carey parce que. Tu veux donner à Schlemko? Oui, exactement. Parce que je veux attendre qu'il me donne plus de games consécutives solides. Et là, je penserai à y donner. Mais c'est quand même. Pas mauvais choix. Je suis content, puis c'est un bon choix, puis je pense qu'il s'en va dans la bonne direction. Mais pour une troisième fois de suite, je vais le donner, même s'il a connu, il a fait une nasty merde aujourd'hui, je vais le donner à Max Domi encore. Ah, écoute. Parce que Chris. Il a joué comme un cabochon en 3 contre 3. Ah, là, la game d'après-midi, c'était dégueulasse. Là. Ça a pas sens, c'est ce qu'il a fait là, mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est notre meilleur pointeur. Il a connu une séquence de genre 9 ou 10 matchs de suite avec au moins un point. 10 games en ligne. 10 games en ligne. 11 games. C'est 11 la première. 11 games. Ouais, game. C'est ça. C'est il est rendu à 11. Le calme dernier à faire ça, c'était Vinny Damfous. C'est ça, ça fait longtemps. Puis juste pour ça. Tout est fini. Je voulais comme pas y redonner parce qu'à un moment donné, je voulais changer, mais 3 fois en ligne que je donne mon plus, puis j'y redonne encore. Moi, c'est comme mon Carey Price, la Coupe Paulson Carey Price de v'là une couple d'années. Tu sais, quand il a gagné tout le temps. Là. Hein? Tout le temps à feu. Tu sais, quand tu savais que c'est la Coupe Paulson, Carey Price. Ben, le mois d'après la Coupe Paulson, Carey Price. Ah, il est fort. Tu dois admettre que Domi et Drouin, c'est un beau duo. Là. Ah, et, oui, puis Chris, Shaw. Shaw, ça me fait chier un peu. Bien le trio. Shaw, il fait il est rendu à ses buts. Mais ça me fait chier parce que c'est exactement ce qu'on avait dit à l'autre podcast. Shaw, il a boudé parce qu'il était sur la 4. Ouais. Il le met sur 1, il vient à jouer comme en mais il joue il a pas boudé parce qu'il était sur la 4. Shaw, il a pas eu de camp d'entraînement. Fait que d'après moi, ça l'a rattrapé après une coupe de game. Je suis pas d'accord avec ça. C'est pas mal vrai tu pour tu joues avec Drouin puis Domi. Regarde, la graisse. Juste Weber qui revient au jeu. Non, je pense pas ça va lui donner une coupe de game avant qu'il puisse se retrouver sur le pied. Ah, Weber, une coupe de game, c'est sûr. T'es un éternel. Comment voyons jovialiste genre ouais parce que Shaw c'est pas le type de joueur je sais pas si c'est le fil ou je pense que le fil c'est le fil on va le changer en deuxième parce que Shaw c'est pas le type de joueur à chialer sur mettons sur son temps de glace c'est pas son genre de joueur là il est pas star DN là fait que d'après moi c'est plus une question de ça a bien été premier game Toronto Michel puis après ça son Marc Bergevin le quatrième trio a connu beaucoup de difficultés avec Shaw ça marchait pas moi unbelievable. Unbelievable. Marc, écoute, je vais juste dire. C'est ça. Ça, c'est malade. Quand je peux pas dessus, mon esti. Ouais, c'est ça. Avec ton plus après ça. Moi, mon plus, ok, attends, il l'a donné à. Ah, c'est vrai, il l'a dit. Dès t'as rien de vomir. Moi, mon plus, je vais donner comme. Il y a Max Domi, mais je vais donner un autre, puis ça va peut-être vous surprendre un peu. Je vais donner à Jeff Petrie. Ah, ben, c'est bon, choix. Ben, écoute, je suis content que tu dises son nom parce que j'ai découvert de quoi Jeff Petrie, là. 50 games en 72 games. Ça, c'est des stats. 50 points en 112 games. C'est une bonne stat, ça, pareil. Depuis que Weber est blessé. Il joue à deux places en même temps. Il joue deux games par jour. Man, c'est une stat incroyable. 50 games en 112 games. Je me suis trompé de vous. Non, mais écoute, vu que Weber, il est pas là. Pis tout, ben, des fois, il suck, là. Mais quand même, le gars, il joue 24-26 minutes. Des fois, même, c'est quand même notre général. Il joue bien. Sur le but égalisateur après-midi. Non, il se fait des bourdes. Il a été. Il cherchait à rondelle. Ah, je sais, non, mais c'est pas parfait. Mais quand même, c'est pas un défenseur numéro 1. Il se posait peut-être un 3. Tu sais, mais là, il joue la job du numéro 1, ouais. Puis il joue des minutes en crise. Il... Non, il joue bien. Puis avec Weber, qui va revenir, puis il va peu peut-être crédit, être... Tu sais, comme, il va plus de souffle. Ouais, mais en même temps, quand... Ben va faire partie sixième, tabarnak. Oui, il va juste... Tabarnak, s'il y a bien un des défenseurs de Stancet qui est solide, Chris, c'est Ben. C'est le temps d'échanger. Hey, man, je m'excuse. Non, c'est le temps d'échanger. Hey, man, je vais t'en nommer plein des plus poches que Ben de Stancet. Lâche-moi. Il est pas dans bon, il est pas bon, mais on a de la merde à la place de lui. Je garde 20 minutes. Schlemko, c'est parce que le désavantage, Ben à 12 minutes, là, il va être très bon, mais là, c'est parce qu'il joue quasiment le même temps de glace que Pichu. Fait qu'à 20 minutes, bon, à Ben, c'est... tu joues avec le feu. Il est pas si payé, par exemple. Non, mais des fois, il fait des grosses dégâts. C'est quel match que le gars t'a juste en arrière de lui? Le but à power play contre New Washington, il mériterait de se faire raser. Mais ce que je voulais dire, juste une petite parenthèse, ce que je voulais dire, c'est que je m'en souviens plus. Je vais donner mon plus à Philippe Dano. Philippe Dano. Ouais, il est constant et je trouve qu'il fait une bonne job. C'est le power play de Dano. Je trouve qu'il fait une très bonne job. Puis, ils ont mis Dano sur le power play, ils l'ont ramené. Puis quand il est mis au jeu, puis on a compté deux buts grâce à ça. Fait que Dano. Exactement, JF. En fait, exactement. Je l'aurais donné à Price aussi, mais vu que j'avais donné. Ce que je voulais dire. C'était mon moins. Là, on est diversifié. Ça rappelle. Ce que je voulais dire, c'est que j'espère que Mick Weber vienne. Parce que Petrie a tendance, quand il pue genre à la place du premier défenseur, puis on l'a vu des dernières années, quand c'est arrivé, il a tendance à, on dirait, se relâcher un peu. Il fait plus. Fait qu'on va espérer. Ouais, il fait de plus. Là, ça fait un an qu'il est numéro 1. Oups, c'était pas la bonne drogue. Chris, ça dépend. Peut-être qu'en mais je pense que Petrie... Il fait des gros crises de juicy. Petrie, il s'est développé un petit peu plus. Il a pogné le beat. Fait que d'après moi, ça va être plus efficace. Le beat. Chris, à un moment donné, Petrie devient moins efficace. Vous remarquez que ses erreurs arrivent toujours vers la fin de la game? Il est fatigué. Fatigué, mais il joue trop. Ils sont juste taxés, les défenseurs. Moi, j'ai lu dans la presse que quand tu fumes un joint, après une coupe d'heure, t'es plus down. C'est ça, ils sont down. Ouais. Puff Petrie, man. Faudrait qu'il y ait dans la ruelle entre deux périodes. Faudrait peut-être qu'il donne des M&M, genre, sur le banc. Hey, faudrait qu'il lâche l'huile pas de des CBD. Tu peux prendre un genre Red Bull. Faut dire que ton moins de JF. Non, toi, c'est qui t'as, tu l'as dit? J'ai ah, ben, le Dino. Dino. Dino. Dino. Philippe Dandino. Philippe Deneau. Philippe Deneau, c'est ça, bizarre. Non, mon moins, je te dirais, écoute, j'aurais pu nommer le quatrième trio complet, là, mais je vais le donner. Quatrième trio? Nicolas Deslauriers. Ah ouais. Sérieusement, parce que Hudon, je pense que je vais vous le laisser là, parce que ouais, je suis pas capable pantoute là. Mais ce que j'aime pas de Deslauriers, c'est qu'on dirait que écoute, il est pas là pantoute, c'est pas le Nicolas qu'on a connu l'année passée, puis pour moi ça me fâche parce qu'il a compté quoi 10 buts l'année passée. Mais c'est cassé à la face. Je sais, mais cassé à la face, ça fuck pas tes mains. Puis là présentement, non, mais ça fuck ton mental, il est inefficace en forecheck, en échec avant. Ah, il manque de speed. Il manque la fougue, tu sais, le feu, là. Puis tu vois, lui aussi, il n'a pas eu de camp d'entraînement, vraiment. Peut-être, mais qu'il enlève sa cage à moineau, ça va aller mieux. J'ai quand l'impression que non, parce que, écoute, c'est sûr qu'il se laisse aller à la gueule, parce qu'il est connu pour ça, mais c'est quoi la principale qualité de Deslauriers? C'est de déranger l'adversaire. La qualité le précité. Lui, sa job, c'est de déranger l'adversaire puis faire des buts, genre. Ouais, là, il peut pas faire ça parce qu'il peut pas. Non, tu peux pas déranger quand t'as une cage à moineau. Ouais, mais il peut face. Frapper. Ben oui, il frappe un peu. C'est un de nos meilleurs checkers. T'sais, Drouin tue pas les jeux. Ça me fait mal. Drouin, quoi? Ouais. Il tue pas les jeux. Excuse-moi, Deslauriers tue pas les jeux. On est mêlés. Tu rushes, man. Tu rushes, là. C'est vrai que ton moins, Dave, d'abord. Mon moins. Écoute, man, mon moins, là. Écoute, j'aurais pu en donner à plein de monde. Deslauriers, c'est un bon moins. D-Lo. J'aurais pu nommer Hudon. J'aurais pu nommer. Hey, Pekka, man. Chris, man. Ça vaut rien. Une guenille. On dit Schlemko. Mais non. Je vais le donner. Asti, je vais le donner à presque l'ensemble de la défense du Canadien. Y a-t-il un en particulier qui te fait plus chier que les autres? Schlemko! C'est bon, qui est mauvais, tabarnak? Ouais, il est dégueulasse. C'est qui ce calice-là? Ouais, puis le pire, c'est j'ai une question par rapport à Schlemko. Pourquoi? Pourquoi on est allé chercher Schlemko? Y avait-tu des habiletés, genre... C'est après que Markov, c'est ça, c'est pas après Markov. C'est Emlyn qui a été drafté par Vegas. Ah, sérieux, Schlemko. On t'en panique. Je suis pas capable. Dave, est-ce que tu veux être deux fois plus Osner, en crise? Osner, Schlemko. Osner, ah ouais, man, c'est pour ça que je dis la défensive en général, parce que Osner, c'est dégueulasse. Schlemko, c'est dégueulasse. Mété, il joue pas bien. Écoute, nos... Ben, il est pas si pire, man! Qui c'est mon moins, c'est Ben. Ton moins, Alex. Fuck you, Ben. Attends, c'est qui qu'on a? Là, Joseph est blessé. Causé à la face. Qui? Riley. Deux fois. Riley, dans les dernières games, il a été très ordinaire. J'ai une théorie pour Riley. Écoute, man, name it, là, il y en a pas beaucoup qui sont bons. C'est ça, mais tu parles de Schlemko, là. Je sais pas si vous les aviez remarqué, là, mais depuis que Schlemko est revenu au jeu, Riley joue à droite. Ouais, ça a changé. Et Mike Riley a commencé à être moins bon depuis qu'il joue à droite. Parce que Schlem, l'autre affaire qui est bizarre, c'est que Riley n'est pas capable de, il est capable de jouer à gauche et à droite, mais Schlemko, il n'est pas capable de jouer à droite. Fait qu'on demande à Riley. Écoute, moi, j'arrêterais de ma phrase, il n'est pas capable de jouer. Ouais, c'est ça. Ben, tu vois, moi, de préciser moi, à Schlemko, ça serait le genre de gars que je. Genre, je dis, ah, mais Dave. Yo, toi, ton fait un meeting. Il n'y a pas eu le camp. Moi, Schlemko serait le genre de gars, je dirais, décaliste. Non, mais Dave, c'est parce qu'il n'y a pas eu de camp. Ouais, ben, c'est ça, t'as pas eu de camp, Chris. Ouais, mais ton c'est parce que camp. Ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de camp, Schlemko. Ouais, ouais, mais il est tout le temps blessé, calice. Au moins, Alex. Non, moi, même si David n'est pas d'accord, Ben. Je le donne à Ben. Ben. Pas d'accord. Je sais, il n'est pas d'accord. Mais je ne donnerais pas un plus. Ouais, mais ça serait un bon temps pour l'échanger, par exemple. C'est quand même un de nos moins peu défenseurs. Je trouve, mais c'est un peu à fond de juger, je trouve. Mais c'est quand même. Ouais, mais il n'y a pas choix. Puis il est pas stable. Ben, ouais, mais il est plus stable que les autres. Oui, même. Non, il a juste plus d'expérience. Je suis pas prêt à dire ça. Mais mon moins, ça va être la scène. Il fait moins d'erreurs que les défensives. La scène compétition de gros guillemets. Tous les changements, tout le temps. Ça, c'est le changement. Mais Riley, il a dit que la scène qui se sont fait péter. Ouais, ils sont tous fait péter à la scène, je pense, par Julien. Stone Cold Julien qui sont au pinch. Stone Cold Sam. Il a-tu enlevé son pinch? Non, il a encore. Non, il a encore son petit pinch. Mais il faut que ça arrête. Là. Son petit pinch? Weber va régler ça. Surtout son pinch, il faut que ça arrête à un moment donné. Non, mais les changements de défenseurs, je comprends qu'ils sont tous surtaxés à cause que Weber n'est pas là, mais. Ouais, mais attends, c'est fou. Il y a une affaire. Weber, mais qui revient, ça va changer. Ça va restabiliser un petit peu. Mais ça va jouer avec. Mais ça va pas. Ça va pas virer notre défensive à Weber. À moi, je mettrais Mike Riley parce qu'il était efficace en début de saison à gauche. Mais là, Weber. Weber a besoin d'un gars qui patine puis qui contrôle bien la rondelle. Ouais, ça va juste être parfait. Fait que moi, je pense que je commençais avec Riley. Kulak, là. Je sais pas si j'ai pas vu jouer. Mettons sur 10, vous donnez combien pour une première game? Ah, c'est un 7. Kulak, ben été. Je l'ai pas. Moi, je l'ai écouté à radio. Mais à radio. Il me fait penser à Ouellet. Tout le monde dit que c'est pas pire. Un petit peu moins costaud. Mais à radio, un peu moins à solide. TV, mais ont... ouais, même Ouellet, un peu, on l'a pas nommé d'un défenseur, mais c'est un petit peu laborieux pour lui aussi. Ouellet, dernièrement. Qu'est-ce qu'il dit, les GF là? Dis, autant à radio tantôt pendant la game qu'à la télévision après, ils disaient que Kulak se débrouillait très bien. C'est un défenseur d'expérience quand même dans NHL. Il a fait la job. Il y a une centaine de games de jouer. Il ne faisait rien de compliqué, mais il faisait bien. Il faisait tout ça. Il gazait les jeux simples, puis c'est ça que tu veux. Mais ça va durer combien de temps? Mais Bob Hartley l'a coaché, puis il a dit, tu sais, il est juste trop gentilhomme. Puis lui, il allait le voir, il disait, à un moment donné, tu vas-tu me montrer des dents? Ah ouais? Il, ouais, c'est lui qui l'a. Trop poli. Il est juste trop gentilhomme. Il n'y en a plus de dents. Il devrait gagner Lady Bing. Fuck dans la gueule. Fait que ça va être à suivre, dans le fond, genre de voir. Il dit, il apportera pas grand chose offensivement, mais il est solide en défense. Il dit, non, je pense qu'il y a même pas genre 10 points en 100 games. Non, mais ça, il dit, c'est un bon 6e, 7e défenseur. Fait que, tu sais, un autre. C'est un autre 6e, 7e. Ça, là, on a une équipe bourrée de ça. On a juste des. Il avait dit, Bergevin, on a une meilleure def. Ouais. Il l'a pas dit, ça, cette année. Non, je sais, il n'y a rien. Il aurait dû dire, on a une meilleure attaque, parce que ça, c'est vrai qu'on a une meilleure. Mais personne n'y a posé la question. Et voilà. OK. Fait que c'est ça. Fait qu'on va aller faire une première petite entraque puis on va vivre la deuxième période. OK, tu m'as cassé. On est de retour pour la deuxième période. Et c'est le moment des extraits audio. Fait qu'Alex, moi je bois. Alex, c'est là qui boit. Yes. De boire de la bière. Fait que ce soir, on a 5 extraits audio de Michel Therrien, de Claude Julien. C'est arrêté là de Michel Therrien, mais non, c'est Il est bon, il Moi, comme directeur général, je regarde pour améliorer l'équipe. Heureusement, ça, Marc n'est pas disponible, donc ce sera Claude. Il a fait ça, c'était hey, juste une parenthèse, avec JC, il parlait justement du look que Price a donné quand il a enlevé Goaler, parce qu'il parlait, tu sais, quand Montoya, justement, il avait laissé compter 10 buts, puis tout, c'était écœurant, hein, man. Ouais. Hey, il commence à en dire les affaires, mais Michel Therrien. Ah ouais? Ouais. Il disait, tu sais, quand j'ai laissé Montoya, c'est une mauvaise décision que j'ai faite, puis ça, je l'ai regretté le lendemain matin. Ah, c'est ça qu'il a dit cette semaine? Ouais, je me suis excusé. Ah, si, je l'ai vu passer sur Twitter. Puis Price, quand il l'a regardé, il dit, tu sais, quand tu fais ça, il dit, t'as assez tout le temps d'aller parler au coach dans l'autre coin, parce que tu sais qu'il va te regarder, tu sais, mais il dit, c'est des calls, t'es obligé de faire des fois. Ah ouais. C'est pour aider l'équipe, c'est pas pour aider, tu sais. Mais il dit, dans ça là tu fais exprès, tu regardes jamais. Mais quand tu portes ton goaler numéro 1, il dit, tu le regardes jamais, puis tu t'en vas parler au coach de défenseur. Ouais, il a fait ce que Mario Tremblay n'a pas fait. Ouais, non, ça, faut juste. Tu n'en mêles pas. Là, parce que c'est tu veux réagir. Mais anyway, c'était ma parenthèse. Ouais. Ou genre, pas s'en occuper. Là. Ouais, non, faire l'inverse du bleuet. De juger. Ouais, mais il a passé en avant et tout. Là. Fait ouais, que, ouais. Ben, ouais. Mais mettons ouais, que. Il a pas été assis sur son coin, il a passé en avant. C'était dur de l'ignorer quand il passe en avant de tout puis qu'il te regarde dans les yeux puis il passe de même. Mettons que c'est deux gars du caractère aussi. Là. Ouais. Ah, ben ouais. Mais Mario, il paraît qu'il était pas respecté dans la chambre pour rien. Ouais, puis le monde disait, t'es qui toi? Ben, c'est pour ça qu'il a fait ça. Toast to toast. Toast to toast. Toast to toast. Il voulait dire toast to toast, mais il disait toast to toast. Comment? Il voulait dire toast to toast. Toast to toast. Ouais, mais il disait pluriel. Ou coast to coast. Non, c'est toast to toast qu'il disait. Toast to toast. Toast to toast. Pied à pied, mais il disait Let's play toe-to-toe. Il dit, let's play toast-to-toast. Puis là, Roy est parti s'arrêter. Puis là, il dit, pourquoi tu ris, toi? Tu sais, comme si c'était un enfant d'école, genre. Fait que les extraits audio cette semaine de Claude Julien sont après le match contre les Canucks de Vancouver. Tabarnak, ça part fort. Ah, vas-y. Le match qui a été le samedi après, le 17 novembre. Donc, une victoire 3-2. Fait que le premier extrait, c'est où est-ce que c'est ma feuille? Donc, c'est le bilan. C'est ma feuille. C'est le bilan du match contre les Canucks du bon Claude. Écoute, on a montré beaucoup de caractère, surtout ceux qui ont pris de l'avance sur une situation qui était quand même difficile. J'ai pas vraiment apprécié la punition. Et puis, on est revenu, on a travaillé fort pour. Égalir le match. Et puis, c'est un gros but sur un avantage numérique, finalement, au bon temps. Celle-là, je la trouve vraiment très bonne, moi, personnellement. Égalir, là, je trouve que c'est un très beau mot. C'était un pas pire, celle-là. Deuxième extrait, il va nous parler des performances de Carey Price dans l'Ouest. Moi, ce que j'ai vu de Carey dans les deux derniers matchs, c'est le Carey qu'on connaît. Et puis, c'est bon de le revoir, surtout sur la route. Toujours un voyage difficile ici dans l'Ouest, d'être capable de retourner à la maison avec au moins 4 points sur 6. Puis, un gardien comme Carey nous a donné cette opportunité-là. J'ai trouvé que le match ce soir, c'est un bon match des deux côtés. Deux équipes qui patinent bien, qui bougent bien à rondelle, puis ça s'est décidé à la toute fin. Hey, ça patine bien, puis ça bouge bien la rondelle. Elle a patiné. Patiné. Et sa bonne réponse est on s'en colisse. À cette heure, tu pourrais mettre celui... Ah, c'est ça, je l'ai mettre. Raymond Bourque a commencé par jouer au hockey bottine sur sa ferme. Il a joué midget 3, bantam 2B, il était dans A, il a eu deux bébés, il joue à Boston, il y a un esti-charp, une coupe de la buse. Je pense que les gars ont patiné, puis on continue de patiner, puis on patine. Et tu joues en dépit d'une blessure. Bah c'est sûr, c'est plus de patiner, mais on continue de patiner, on patine. C'est pas demain la veille que tu prendras ta retraite. On patine, puis peut-être partir une chape de patin. C'est ça que ça sonne pour c'est vrai. Ça, je pensais, vous, c'est quand... J'ai exactement que ça. Dans le tu pourrais ajouter sur le board. Aménagement à Chapu. Ah, laissez faire, m'acheter du neuf, vous en sentir moins, parce qu'on a Chapu qui joue à cette heure. Ah. C'est vrai. Les poils usagés, Chapu, bonjour. Ouais, les poils usagés, Chapu, bonjour. Faut ouais, connaître les classiques. Ah, laissez faire, m'acheter du neuf, ça va en sentir moins. Ah, ben, les performances de Price dans l'Ouest. Encore. Ah. Il était à la maison, c'est pour ça que. Hein? Il a vu sa maman, il a vu une Corée. Il est dans son village, il était aimé son chapeau de cowboy. T'as fait un petit powwow. T'es allé voir sa squaw. Il est allé prier. T'es allé voir sa squaw. T'es allé voir son métis. Son petit métis. T'es allé voir son petit métis. Son enfant illégitime de l'Ouest. Son film préféré, c'est Dance with Wolves. Non, mais ça, c'est sa double sangue. Il est comme sa vie dans son village. Bon, on va voir le prochain. À ce heure, Claude va nous parler de la... Non. Ah, pas de bon sens. Ah. Vas-y, Jim. On va aller parler à ce heure de la performance de Puff Petrie contre les Canucks. Oui, il était solide ce soir. J'ai aimé la façon qu'il était agressif, qu'il était avec des bonnes décisions. Tout était beaucoup mieux pour lui ce soir. Puis, il a bien répondu à l'appel qu'on avait besoin de lui ce soir. Il était bon du début jusqu'à la fin. Il a bien répondu à l'appel de que l'on avait besoin de lui ce soir. Cibole! À l'appel qu'on avait besoin de lui ce soir. Tu sais, on disait que Claude. Mais j'aimerais ça essayer d'en faire un, voir si on paraît pareil. C'est live, là. Jeff, à soir, il y avait des petites tendances. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr que si tu prends nos extraits sonores de quand on enregistre, on en aurait du écœurant, là, du stock. Là. C'est sûr qu'on en a. On défie les fans. Mais l'affaire, c'est que souvent, nous autres, on le remarque on the spot, puis on le dit. Ah, on rit après. Puis on rit de nous autres mêmes. Ouais. Tandis que là-bas, tu ne verras pas le journaliste comme ah, si, il a dit égalir. À part quand l'autre avale sa gomme. Là. Je sais quoi. T'as jamais vu ça? Pourquoi j'ai vu ça? C'est Kanichka qui avale sa gomme. Live! C'est fou, mais c'est quand même ça! C'est oh, la face qu'il fait! C'est marrant! On va montrer ça tantôt. La face qu'il fait! On va le poster sur. Toi, tu l'as-tu vu? Eh oui, Chris, il rougit vite. Un peu comme Alex. Tu es en train de pleurer. Parce que la face, on va le poster. Lui, il a l'air méchant en plus. c'est comme s'il le méritait. C'est comme s'il le méritait. C'était carrément ça, man. Oh, la gomme. J'ai plein d'eau. Je l'avais comme oublié, celle-là, puis tu me l'as comme rappelé. Je l'ai vu cette semaine. Oh. Quatrième extrait maintenant. Ah, mais c'est pas récent, là. Non, c'est ça, OK, c'est ça. Parce que moi, j'ai vu ça se faire un bout, puis là, tu viens comme de me le rappeler, puis je l'avais comme oublié. C'est merveilleux. J'en ai profité pour saluer Laurent Poulain qui nous dit qu'il nous adore, les gars. Laurent Poulain du podcast Boxing Town Québec. Salut, Laurent. Ben, hey, salut, Laurent. Merci. Bien apprécié. Quatrième extrait maintenant. On va parler de l'effet Domi. Je viens de répondre à la question. Quelqu'un qui a des points à presque tous les matchs, là, comme Max, c'est sûr qu'il y a un impact sur notre équipe. Puis tous les matchs, il est intense. Il veut gagner. Tu le vois dans sa motivation. Je te dirais 90% du temps, sa motivation est dans la bonne direction. Puis, tu sais, ça donne l'énergie à ton équipe aussi, mais j'aime la façon qu'il se comporte. Puis, il travaille bien avec ses coéquipiers. Il veut gagner, puis ça donne du caractère à ton équipe. That's my boy! Merci, Claude, pour cette statistique de 90%. Tu sais, la game, là. Ouais, mais il aime pas ça qu'il se batte, ça. Ouais, mais tu sais, la game, il s'est battu récemment contre. C'est contre qui? Domi t'a mis la face au sol. Ah, ouais, c'est contre Washington, non? Ouais, Washington, ouais. C'était qui, là? J'en colisse. Lars Eller. La face que Chris est dans la foule puis qui a fait son smile, là. Moi, Marc dit, je suis sûr qu'il regardait son père. C'était comme écœurant, là. Il a comme fait une face, là, puis ça, c'est comme. J'ai cassé une volée pas. Regarde, ça, c'est un gars avec l'attitude, il du caractère. Il était fier, man. Puis, yes, en même temps, ben, t'sais, jusqu'à date, il peut se le permettre de faire ça. Ah, c'est juste parce qu'il part pendant 5 minutes. Fait que c'est sûr que Claude, il n'a pas son meilleur pointeur. Non, mais il est parti comme, pendant 5 minutes. Il faut qu'il fasse, c'est le bon moment. Puis comme aujourd'hui, il n'y a ouais, pas mais c'était pas le bon moment qu'on voit. Non, c'était pas le bon moment. Non, mais en fait, c'est sûr. Puis il va falloir vivre avec ça un peu aussi. Parce qu'il y a un peu de ça en dedans. Lui, il y a du chien, man. Tout à fait d'accord. Mais sauf qu'en même temps, si c'est ton meilleur pointeur, comme c'est présentement, ben, tu peux pas chialer de temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait tout ça au centre. Ouais. Ouais, ça, c'est fou, man. Man, ce gars-là, il fait presque tout bien. Présentement, c'est un allié qui est allé au centre. À part ses petites décisions de même, là, qui a des petites traces. C'est rare, ça va arriver. Mais sur son jeu général là, de hockey, là, il fait. Ben, aujourd'hui, c'était moins de choses. C'est une question de même, dans le fond. Paling, mettons que Paling, l'année prochaine, Ryan Paling. Paling. Quand Paling va être prêt pour jouer dans la NHL, Domi, tu le laisses au centre ou tu le crisses à l'aile? Ben là, ça dépend. Ben, il faut qu'il soit meilleur que lui. Ouais. C'est ça, mais mettons qu'il est meilleur. Ben, mettons qu'ils sont égales. Non. Parce que là, t'as Kotkaniemi. Un centre tout le temps facile à mettre à l'aile. Moi, je changerais pas. Si Domi, Drouin, puis mettons, on va dire, là, c'est Chat, mais ou un autre. Ah, tu veux Payling à l'aile. Écoute, je vois pas pourquoi tu le changerais de place. Il y a combien si de centres? Il y a combien de centres qui se font repêcher dans la NHL qui finissent au centre? Il n'y en a pas même. Bon, Slinky. Non. C'est facile de mettre un centre à l'aile. Tu sais. T'as moins de responsabilités, tu fais le même job, mais t'as moins de responsabilités défensives. Mais ça va créer une compétition. Mettre un allèle. Hey, c'est un esti de beau problème quand t'en as pas eu d'esti de centre. Ouais, imagine, t'arrêtes deux centres. M'en blâmerai pas certain. T'arrêtes deux centres sur cette ligne-là. Fait que c'est pas la mise au jeu, t'as le switch, t'as quand même un autre centre. La ligne est du gauche ou de droite. Un peu le principe avec Sharp et Domi, ça m'aime. Puis tu sais, je veux dire, t'as mettons, on va avoir. Ok, Domi, Poling, Peeling. Peeling, Kotkaniemi, Dano. On a peut-être Suzuki. Éventuellement, peut-être Suzuki. Là, c'est sûr qu'il y en a qui finissent à l'aile. C'est sûr qu'il y en a qui vont finir à l'aile. Mon gars, ça serait Suzuki. Ou qu'on gardera peut-être pas toutes. Là. Non, Peeling aussi, ça serait. Ça devient une monnaie d'échange. Ça fait des assiettes dans des assiettes. Peut-être que Dano, un moment donné, ça serait le genre de gars peut-être qui pourrait être tassé. Même si je l'adore, là, je trouve que c'est un excellent joueur. Mais c'est une blessure, t'as la possibilité de le remettre au centre. Oui. Imagine que si t'as 5 centres de bonne qualité. Deux troisième trio en moyenne, là, on va échanger. Tu vas t'en débarrasser. Ça va coûter trop cher. Bon, on va changer notre centre numéro 1. Ouais. Contre un gardien parce que Price va choquer. Price va choquer puis on va racheter son contrat. On va être dans la marde. Dernier extrait. Je t'ai fait un assis de beau sonneur. Dernier extrait audio pour le podcast. On va parler des face-offs en powerplay. Bon, on a un petit peu de misère là. C'est peut-être essayer quelque chose de nouveau. On sait que Philippe est bon de ce côté-là. Oui. Ce soir, ça n'a pas été le match le plus facile pour lui de ce côté-là. Mais on voulait se donner une opportunité de peut-être commencer avec la rondelle. Et puis, c'est une des raisons. Mais Philippe est quand même un gars qui qu'il a du talent, là, il est capable de jouer sur le jeu de puissance, mais on l'utilise beaucoup dans les mises en jeu, aussi en désavantage numérique. Alors, tu sais, on essaie de s'assurer qu'on donne des rôles un peu à tout le monde pour qu'on ne surutilise pas les joueurs. Ouais, malheureusement, c'est pas ce qui arrive à la défense. Le début était magique. Ah, mais non, le début, ouais. Bon, on a un petit peu de misère, là. Ah, c'était moins bien, on dirait. Un petit peu de la misère. Un petit peu de la misère. Oui! Fait que pour finir la période, on a deux questions qui sont venues de notre Facebook parce que les Patreons ne nous aiment pas assez pour nous écrire les questions. Mmh. Ouais. Mathieu. Ils nous donnent de l'argent pour on les call out, eux autres. Question de Tristan Payé qui dit « Croyez-vous que ce serait mieux que Mété aille à Laval pour jouer un peu plus? » Moi, présentement, quand il y en a qui joue, je serais pas surpris que ça va arriver. Il y en a qui vont arriver. Si Sikula qui continue à jouer du bon hockey, faut qu'il joue quand même l'autre. Ah, mais on a combien de D, là? 9? Là, présentement, on en a 8. Puis Weber revient, 9? Puis Weber, non, Weber fait partie des 8. Non, c'est pas vrai. Weber, c'est le 9e parce que Kulak est le 8e. C'est ça, vraiment. Fait que ça dit que quand Weber va revenir, c'est sûr qu'il y a un défenseur qu'il faut qu'il saute. Ben, qu'il saute. Dépendamment de ben, comment il va en avoir deux qui vont sauter. Là. Oh, Zner, envoie-moi ça au balotage. Ben, je suis pas à 8. Tu peux pas faire ça. Arc. Tu vas renvoyer Kulak, tu vas renvoyer quelqu'un d'autre. Non, mais honnêtement. Osner, là, si t'as des couilles, tu peux l'envoyer à Laval. C'est juste qu'il va rester son salaire, sa masse salariale. L'agent va appeler Bergevin pour faire comme hey, mais tu peux le mettre à Laval puis juste donner du temps de glace à Mété pour qu'il se développe. On fait tu tout peux ça. Tu peux développer Mété à Laval comment, aussi. Comment ça le fait paraître avec les autres vétérans? Regarde Kulak, là. Ben, il y a beaucoup de vétérans qui ont été rétrogradés dans la Ligue américaine. T'en as un, là. Tu vas passer chaque année, t'en as moi, je vais donner un autre. OK, le seul genre, c'est Redden. C'est le seul cas. Ben non, l'année passée, il y en a eu d'autres, man. Non, là, je dis Redden? Redman? Ray Redden. Red Redden, whatever. Il jouait avec New York. Ah, OK. Pas Wayne, pas Montréal, c'est pas. Wayne? Ah. Wade. Wade. Wade. Wade. Wade. Ouais. Mais je vais donner une autre vision, mettons, de ça. T'sais, tu peux dire, oui, j'envoie, mettons, Osner comme à Laval. Ce qui, je pense, risque pas d'arriver. Ça me surprendrait énormément. Non, ça serait surprenant. Ça serait très surprenant. Puis faire jouer plus, mais tu peux aussi dire... Tu sais, Kulak, il revient de Laval, puis il était notre meilleur défenseur à Laval. Puis là, tu l'amènes dans la ligue, tu lui donnes un peu de temps de glace. Mais pourquoi tu n'en vas pas Mété aller faire ça, justement, à Laval, puis genre, comme, aller avoir du temps de glace, reprendre la confiance, jouer, brûler la patente, tu sais, être genre d'un meilleur défenseur de Laval, mettons, là. Puis après ça, tu vas pouvoir le ramener puis le mettre en meilleure position. Ah, mais jamais joué dans l'Américaine, là? Non, parce que lui, il a sauté tout de suite de junior à NHL. OP, tu le mets tout de suite avec Weber pour monter sa confiance. Ça peut être une possibilité parce qu'ils ont bien fait les deux ensemble. Mais là, ça veut dire qu'il faut que tu enlèves un autre def. Ah, c'est sûr. Mais l'autre def, dans le fond, c'est parce que moi, dans ma tête, Jordy Benn, il est UFA à la fin de l'année. Lui, Jordy Benn, c'est probablement le plus... C'est le gars plus facile à échanger. C'est le gars qui risque pas de finir la saison. Parce que Schlemko, il reste encore 2 ans à 2 points. Schlemko, man! Schlemko, crisse-moi ça dehors. Restes-tu envoyé là à Laval, rachète son contrat. Oh, fuck that. Le rachet, ça pourrait être possible, mais c'est parce que t'as Osner. Tu contre un sac de patates ici. T'as failli crisser mon camp. Mais Osner. C'est ça, t'as Osner aussi. On pense à ce qu'on va faire avec. Le but, c'est de le racheter. Schlemko, tu peux pas le racheter avant l'année prochaine. Ah, mais t'essaies d'échanger, Osner. On a 7e round. Contre un paquet de bâtons. Non, mais tu fais passer à The Deal avec des jeunes. Mais il faut quelque chose. Mais non, mais tu commences pas à donner des jeunes quand t'es en. Non, mais je parle des jeunes par rapport, là. Tu sais, comme, comme des Valièves et tout ça qu'on a déjà fait. Mais d'un gars comme Osner, il faut que tu donnes un jeune de qualité. C'est ça qui est triste. Ben ouais, c'est ça qu'ils ont fait Chicago quand ils ont donné. Osner contre Kanyemi. Des considérations. En même temps, t'envoies Osner quelque part, puis il peut peut-être. Écoute, j'essaie. Tu sais, t'échanges Osner, contre Kanyemi. Il peut revenir, mettons, il peut revenir peut-être à moitié de ce qu'il était, mettons. Au gars qui a blessé Crosby. Hein? Au gars qui a blessé Crosby. Il avait blessé Crosby. C'est lui qui l'a blessé. Moi, je t'envoie Osner avec. Price, Eisner. Domi, Kotkaniemi contre Crosby, Malkin. Ah, puis un choix. Un choix de première ronde. Bon, c'est voilà. C'est bon, allez. Tout okay, oui, ben, oui, hey, oui, les pingouins oui, sont dans la cave. Il y a de la misère. Là, ils vont gagner à la loterie. C'est hey, on a une deuxième question du public. Émilie Lepage, Kenville. Je te salue, Émilie. Une amie de JF. Donc, c'est une collègue. Quel serait le meilleur défenseur que le CH pourrait aller chercher? Chez Théodore. Je vous laisse parler. Piqué Souban. Il n'est pas disponible. Mais ce serait l'équipe. C'est le meilleur qu'on pourrait aller chercher. Oui, mais il n'est pas disponible. Qu'on pourrait aller chercher, c'est tough. Parce pourquoi que... tu dis ça qu'il n'est pas disponible? Il vient de signer un contrat à long terme. Mais non. S'ils sucent là-bas, man, ils vont c'est ça. Non, mais parce que dans ça, il faut vendre de l'espoir. Puis okay, Théodore, mais... il n'est pas disponible. Toi, t'as clairement fait tes recherches. Là. Ouais, même pas, man. Ah oui, ah, c'est si, lui qui a dit hey, pose cette question-là parce que j'ai un sujet. T'sais. Ouais, c'est ça, c'est non, ça. Non, même pas, même pas, même pas. Mais non, mais non, il arrive, lui, de même, là, genre, out of the blue. Il est vrai, il sait qui, puis il va nous dire pourquoi, combien qu'il coûte. Qu'est-ce qu'il mange? Moi, ce que je ferais, je passerais par le repêchage. J'irais pas payer des choix ou des jeunes pour chercher un défenseur, mettons, qui est joueur de location en fin de l'année. J'irais pas chercher de défenseur sur le marché des transactions. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est quel est le meilleur défenseur qu'on peut aller chercher en ce moment? C'est toi, tu vas en chercher un. Moi, je te dis, c'est sûr qu'on va repêcher qui va être le meilleur défenseur disponible. Non, non, là, tu peux aller en chercher un à date limite de transaction. C'est lequel que tu prends? Écoute, le meilleur défenseur disponible à date limite des transactions, c'est Rick Carlson. Tu penses-tu vraiment que les Sharks vont l'échanger à date limite? Mais il est à chier, c'était. Ouais, c'est pas grave, ça, tu fais pas ça. Après ça, c'est Jake Gardiner qui joue à droite. T'as besoin d'un défenseur gaucher. That's good. C'est vrai, non, mais t'as besoin d'un gaucher. T'as besoin d'un gaucher. Gardiner contre Schlemko. Il y a personne présentement. Écoute, le défenseur qui est plus dans les rumeurs, c'est Jacob Trouba. Mais il joue à droite, lui aussi. Fait que tu peux pas aller chercher, Chris. À droite, t'es déjà Weber puis Petrie. Tu vas pas aller chercher un autre droitier, c'est-tu? Non, trop bas, non, ça marchera pas. Fait qu'il y en a pas de défenseurs actuellement qui sont disponibles. Il va peut-être avoir des troubles contractuels qui vont faire qu'on peut aller chercher un défenseur. Mais présentement, moi, il y en a pas. J'en ai aucune idée, c'est ça. La barre de Ben contre la barre de Brent Burns. Tu passes par le repêchage. La pire chose qui pourrait arriver, c'est Bergevin échange un choix de première ronde ou deuxième ronde où il donne un de nos jeunes prospects à l'avant. Pour aller chercher un défenseur pour aider le club immédiatement. Le but, c'est pas cette année, c'est dans 3 ans. Tu étais bien préparé. Hein? Non, mais. J'ai vu les questions avant dans le show. Dans 3 ans. Non, mais c'est un no-brainer. C'est un no-brainer. Tu vas pas, allez-vous commencer à payer des choix puis des jeunes pour aller chercher un défenseur vétéran là? Je ne paye personne, moi. Hein? Mais personne ne donne rien à personne. Tu le ferais-tu? Bon, toi, Alex, tu le ferais-tu? Non. Toi, JF? Non. Bon, fait que c'est le repêchage. Mais c'était pas ça la question, pareil. Non, mais moi, j'ai recherché un c'est jeune. Quoi, je ne connais pas tous les jeunes. Mais c'est ça, moi non plus. Pis, ouais, pis, ça, moi tout. Puis honnêtement, le meilleur choix, j'irais chercher un jeune prospect. Là. Je m'en calisse. Ben, c'est parce que ce qui arrive aussi, c'est on que j'ai remarqué. Besoin c'est pas le temps de faire un move. C'est pas le temps de faire un move. Aller chercher un défenseur. Tu bouges trop. Un défenseur par c'est, rapport. C'est la barbe qui fait la salle. Non, c'est ça, mais même, mettons, tu sais. Qui va nous remplacer qui, anyway? La tendance Schlemko? Fait que les clubs qui sont dans la marge. Tu sais, mettons, à chaque année, tu as des clubs que tu dis, OK, cette équipe-là, là, ça va en reconstruction. Ça, c'est sûr. Cette année, les équipes qui sont vraiment dans la marne, tu as Anaheim, tu as LA, tu as Chicago. C'est ça. Mais. On va le garocher, ce micro. C'est quoi qui est en commun, toutes ces teams-là? Chicago, Anaheim, puis l'autre club que j'ai nommé tantôt. Là. Oui. Ils ont pas de défensive. Moi, je sais pas, Joe. Chicago, Anaheim, je t'écoute pas, man. Chicago, Anaheim, Ellie. Je te regarde. Ils ont pas de défenseur. Ellie, man. Ellie, c'est une équipe de vieux à Star. Là, ouais, ils sont vieux. Tu vas-tu aller donner des vétérans pour aider un club de vieux à se rajeunir? Moi, je cherchais Duncan Keith. Il y a genre. Il est plus vieux que le fucking coach, man. Un seul vrai bon def à aller chercher, puis c'est Greedy. Greedy? Moi, je veux Greedy, ça gagne. Ben, il ferait le ménage devant le net comme Weber. Ben, Greedy avec Youpi, ça gagne. Jake Muzin, irais-tu le chercher, Jake Muzin? Muzin. C'est Muzin. C'est Muzin ou Muzin? Muzin. Muzin. Muzin, tu as-tu cherché Muzin? Muzin. On a failli aller chercher contre Pacioretty. C'est ça. C'est un gars de 28-30 ans. Ah, mais. Ben, c'est pas si. Il est à gauche? Oui. Mais il faut que ça te coûte un choix. Ça va te coûter un choix de première ronde. Mais oui, je suis d'accord. Puis un prospect. Mais oui, non, je suis d'accord. Non, ça va coûter juste un esti de Pacioretty. Non, non, mais Ozine, si tu le veux là, mais Ozine, ça te coûte un choix puis un jeune. Ouais, c'est pas grave, on pourrait jamais. Je suis d'accord sur une chose, c'est ça prend un jeune plus que ça prend un jeune plus que mettons un défenseur d'expérience. On l'échangeait contre Pacioretty. On l'échangeait contre un scoreur de 35 buts, man, il va coûter cher, Ozine. Puis on peut pas aller chercher ça. Et voilà. Mais je le veux pas. Voilà. On bâtit la défensive par le repêchage drafting. Drafting mode. Et sur ça, on va aller faire une entraque. Okay, on revient pour la troisième période. On est de retour pour la troisième période. Et c'est maintenant le temps de faire le tour de la Ligue nationale. Around the NHL. On va essayer de mettre la version avec Grelot. Qu'est-ce que tu as à mettre? Je peux la mettre, hein. Around the NHL. Hein? Le temps des fêtes qui s'en vient comme ça. Ah, ça fait sourire. Hein, oh, the weather outside is weather. On met ça pendant que la neige y arrive vraiment de bonne heure cette année au Québec. Mais on n'en parlera pas parce qu'on n'est pas un podcast. Mais salut Zara Marshall. Hein? Sir Marshall? Ah ouais. D'accord. Je pense que oui. C'est Sir Marshall qui dit ça. The weather outside. C'est Paul Rudd, là. Il est comme coach de c'est surf. Ta tata, il a shooté ça sur Instagram. Ouais, je sais. Ça, ça vient de Forgetting Sir Marshall. Ouais, c'est Paul Rudd, Paul Rudd, il dit ça, genre, quand il donne des cours de surf, puis il dit « Ah, viens, on va aller dans l'eau, là. » The weather outside is weather. Ça dit tellement rien. La température est température. La température dehors est température. Fait qu'on a quelques news. Non, il est plus mouillé. Weather. Non, non, non. Ben oui. Écoute, là. Nous autres, on a vu. C'est pas weather de W-E-T-T-E-R. Là. C'est pas weather comme plus trempe. Non, non, c'est température. La température dehors est température. C'est ça que c'est. Hey, c'est intéressant, les gars, ce que vous dites. Fait que, allons. C'est le climat et le climat. La période est-tu commencée? Ouais, allons faire un tour de l'Union nationale avec d'autres affaires quasiment ouais. intéressantes. Oui! Les super nouvelles. Les sénateurs, nos voisins qui ont échangé Chris Weidman aux Oilers and Mountain. Ouais, la ouais. première victime aujourd'hui, du. Contre un choix de sixième ronde en 2020. C'est ça ne valait pas grand-chose. Hein? Non, mais ça, c'est le premier victime du Ubergate. Ubergate? C'est un des gars qui s'exprimait dans le ah ouais? taxi. Qu'est-ce qu'il avait dit, lui? Il avait dit de la merde. Fait que... Ils ont tous dit de la merde. Qu'est-ce qu'il a dit spécifiquement? Ah, je sais pas, je connaissais pas les voix. Ouais, déjà, ouais, ils sont toutes lettres. Fait qu'à un moment donné, ils sont durs à différencier. Mais ils ont pas signé l'autre? Lequel? Chabot. Pas Chabot. Chabot, il a pas signé, non? Chabot? Il a signé aucun contrat, les gars, depuis qu'ils sont là. Chain? Je pense que Chain avait signé. Chain? Non, non, il a pas signé encore. Qui signait, okay. Non, ça va être dur pour voir. Il va demander combien de Chain, il va bien. Chris, il va demander au moins 8 millions. J'avais vu une affaire à 8 millions. Signerais-tu 8? Moi, Chain, je suis... Si t'es Ottawa, tu le ferais-tu? 6.75. Puis il va aller sûrement aller jouer ailleurs. Je le vois à Vegas. C'est toxique, ce gars-là. Ah, c'est toxique. Ciao, man. Non, fuck you. Ben, ils pourront pas se permettre de le perdre, mais whatever. T'es un genre de Kane. T'es un petit Chris. Genre le gars qui va faire son épicerie en culotte de jogging. Sûrement un joueur disponible à la limite. Il sent son argent, genre. Ah ouais? Il va sûrement être disponible à la limite. Je serais curieux de savoir s'ils vont avoir autant que qu'est-ce que Colorado a eu. Jamais de la vie. Ouais, mais en même temps, là, il est UFA. Bon, il fait des points, il est UFA. UFA à la fin de la saison. Ça vaut au moins un choix de première ronde. Ben non. Ben, ça dépend à quelle position. Qu'est-ce que tu veux dire, à quelle position? Ben, quel choix? Ben, le joueur qui va aller chercher, c'est une équipe qui va se battre en série. C'est fait que ça. Fait qu'il, mettons, de 16 à 31. C'est quand même haut, man. Ah, c'est ouais, quand même haut. Non, non, mais, man, qu'est-ce qu'ils ont donné en échange? C'est de la merde, si on sait, man. Si les choix, juste contre un choix de première ronde. Mais non, mais j'espère qu'il y aura d'autres éléments, là, au moins. Ils sont fait chef. Je suis même pas sûr qu'il va y avoir sûrement deux corps qui vont venir avec ça aussi. Le gars n'a pas de contrat à la fin de la saison. Tu n'iras pas chercher un choix de première ronde. Faut-tu leur signe? Ça va au choix de première ronde. Pour sauver à face, faut-tu leur signe? Ben oui, un joueur de ça comme ça, ils vont payer un choix de première ronde, certains. Ils vont un choix de première ronde. Les équipes qui veulent se battre pour, mettons, ils voient leur fenêtre grande ouverte, ils vont donner des choix de repêchage comme des bonbons. Chris Tatar, là, ils ont payé un choix de première ronde, deuxième et troisième ronde pour aller le chercher l'année passée à Vegas. Bon, on est malade. Ben ouais, c'est ça. Ben, des fous! Ils ont pas mal fait parce que tu vois, il est bon, là, mais ils l'ont mal. Ben c'est juste qu'ils ont mal géré leurs affaires. Là, ils ont été chercher Pacheco. À Vegas, ça marchait pas. Mais il était bon à Détroit, par exemple. Ouais. C'est ça. Mais c'est Vegas, ouais. ils ont abandonné vite. Voilà. Il concordait juste pas avec le. Ça fitait pas. Tantôt, on a parlé des pingouins qui vont pas bien en ce moment. Puis là, on a Matt Murray qui s'est blessé à long terme. Ouais. Encore une fois. Déjà, lui, amène sa carrière. Il est jeune à la crise, puis il est blessé. Il a même blessé pas souvent. Deux cas. Grand crise de mou. Man. Est-ce qu'ils regrettent leur choix d'avoir laissé aller Fleury? Ben non. Non, il n'y a pas le choix à un moment donné. Il a gagné deux coupes tout seul. Matt Murray. Non, mais la dernière coupe, c'était moitié-moitié. Ouais, mais ça, moitié-moitié, puis il y en a deux qui a fait tout seul, non? Non, il y en a trois, gagné deux. Murray n'est pas capable de tenir. Il n'a pas gagné trois coupes. Non, c'était dans ça là Murray ne jouait même pas. Okay, fait qu'il y en a une qui a gagné tout seul, une moitié-moitié. Ouais. Je pense que Crosby a trois coupes. Ouais. Mais j'aurais fait le même. Oui, je pense pas que Murray garde de prendre des responsabilités autant que ça avec. Moi, je pense que c'est-tu un feu de paille? Non, je pense. Non, mais il va avoir la misère. Non, je pense que Murray, il a le talent. Mais Murray, c'était un gars, genre. Ça va être un Rick DiPietro. C'est un gars qui. Ben, c'est pas un bon exemple. Non, lui, il n'a pas joué. Il va tout être blessé. Mais c'est un contrat de 25 ans. C'est ça. Mais je pense que c'est le genre de gars que, tu sais, dans la saison régulière, il va être correct, là, tu sais. Ça va être normal, mais dans la série, c'est là qu'il a l'air d'être. Il a chié dans la pelle l'année passée contre Washington. Pas chier dans la pelle, là, man. C'est rendu en 7. Il n'y a pas volé de match. Ben, Oldby, il en a-tu volé, tu sais. Oui. Il a gagné la coupe. Il s'appelle gagné la coupe. Ouais, mais je parle dans cette série-là contre les Pingouins. Ben oui, je te fais Chris. Tu sais pas, là, tu parles. Non, moi, je peux pas dire un match qui aurait volé. Holby était excellent. Oh, mais as-tu volé un match? Cinquième match. Tellement au hasard. Tellement au hasard. Check les stats. Check les stats. Mais tu sais, le queue comme il est, il va sûrement avoir donné le bon match. C'est pas le queue comme qui est, c'est Photographic Man. Oh, c'est bullshit. C'est tellement de la merde, man. Les Blues ont renvoyé Mike Yao. Mike Yao? Mike Yao. Contre Craig. Craig Berube qui a pris sa place. Craig Berube, genre, il a coaché deux ans avec les Flyers, j'ai un félicité. Ils n'ont jamais gagné non plus. L'ancien joueur de hockey, ça, j'avais sa carte pour 7 à l'époque. Il jouait pour Washington. Avec les coins pliés un peu, vraiment. Ouais, c'est toujours la carte que t'avais en double. C'est la carte qui tient ton top de paquet pour pas magasiner en dessous. Ouais, c'est ça. Ah, ben, c'est ça. Écoute, Saint-Louis, ça va pas bien. Hey, le coach, là, je pense que c'est le prochain. Ben, excuse-moi, le DG. Coach. Ben, parlant de coach, je DG. Parlant de coach qui perd leur job, Todd McLellan à Edmonton, il s'est fait remplacer par le vieux calice de Ken Hitchcock. Hey, ce gars-là a pris sa retraite, hein? Ouais, puis il est revenu pour ça. Ben, juste pour la fin de la saison. Avant que Bob Hartley s'en mais qu'est-ce qu'il va amener? Bob Hartley, ben, Ken Hitchcock, c'est une bonne tête de hockey, par exemple. Oui, mais c'est un gars de la vieille école. Ça non, il a changé sa méthode. Hey, non, il n'a pas changé sa méthode. Oui, il a changé. Il y a eu un article qui a sorti où il avait expliqué pourquoi il avait changé sa méthode. Un article à il y avait des jeunes. Il trouvait que les jeunes genre étaient différents par rapport à son temps des années 70. J'espère. Ça fait les années 70. Non, il est vieux en Christ, Hitchcock. Il doit avoir, je pense qu'il est pas loin de 70. Il est tellement gros. Ben, il est fait demain, c'est Big bone. I'm not fat, I'm just big bone. Non, mais Hitchcock est plus capable de mener les entraînements, il faut qu'il s'accote sa bande. Non, mais ses associés vont le faire pour lui. Non, mais c'est ça, c'est trop vieux, reste. Non, mais au niveau de la connaissance d'hockey, il va être capable d'aller mener le maximum de ses joueurs. Non, mais écoute, Ken Hitchcock. Il a gagné son premier match quand il est arrivé. Ouais, parce que les vétérans, ils ont parlé. McDavid puis Draisaitl, c'est drôle à dire parce qu'ils ont 22 ans. On dit, hey, on va gagner pour tout. Ouais. Ben, bon, Ken, 3 points. Mais là, Ken Hitchcock, avant qu'il prenne sa retraite à Saint-Louis, Tarasenko, là, il a connu sa meilleure saison en carrière sous les ordres de Ken Hitchcock. Jaden Schwartz, meilleure saison en carrière. L'homme un point par match. Jaden Schwartz, 63 points en 62 games sous Ken Hitchcock. Il est capable d'aller le maximum de ses joueurs. À Edmonton, il est là jusqu'à la fin de la saison, mais après ça, il va crisser son camp. Bob Hartley, il est retraité. C'est un gars de l'Alberta. Il était chez eux, genre au coin de la rue. Là, puis il avait dit, Ken, viens nous aider. Il reste au coin de l'arène. Moi, je pense que Cirelli, là, ouais, il se fait couper dans le cul à la fin de la saison. Ça se fait que Bob Hartley est coaché. Hey, parce Edmonton, tu penses? Hey, le contrat à Lucic, là, il est fou. Il est dégueulasse. Une chance qu'on l'a pas signé. Dans le top 4 des joueurs les plus payés à Edmonton, là, savez-vous c'est qui? Ben, Lucic est là-dedans. Là. Lucic est là-dedans. T'as McDavid, Draisaitl, puis Chris Russell. C'est qui, lui? Ouais, mais il était bon, là. C'est le problème. Il y a eu un flash, puis l'ont trop donné. Il y a eu une fucking saison qui avait de l'allure, il a fait 20 points. Puis ils ont donné bien trop d'argent. 17 millions. Je sais pas pourquoi ils se sont rendus à 17, là, mais c'est dégueulasse. Fait que Lucic fait plus d'argent, mettons, que Lucic fait 6,5 millions. Puis le pire, c'est qu'il était entre nous autres et Edmonton. Ouais, mais attention, il offrait la même affaire, ça veut dire. Ah ouais, c'est juste qu'il y a plus d'impôts à Montréal. Chance, fait que là, une chance qu'il crissait son camp Edmonton. Bergevin, il doit être content à tabarnak. Il est content, ah ouais, il doit se faire dans la ballon. Puis ben, c'est dégueulasse. Il est tellement là. Lucic, il a compté, je pense, 2 buts en un an. Ah ouais. C'est le Gomez de la ligue, man. Ouais. Non, il coûte trop cher à être racheté. Il y a déjà 2 buts de plus que Gomez avait. Parce qu'il coûte moins cher que Gomez nous a coûté. Puis là, Cirelli a fait un trade là, encore. Là. Il est allé échanger Strome pour Ryan Spooner. Ben, Whiteman et tout, pour un choix. Ben, Whiteman, penses-tu vraiment qu'ils vont changer de quoi à Edmonton, c'est-tu? Écoute. C'est-tu, c'est-tu? C'est fini, ce temps-là. Fait non, ça va pas bien à Edmonton. Ils ont même pas été capables d'entourer McDavid. Ils ont fait ce que Pittsburgh avait réussi à faire dans le temps de Crosby. Dans le temps de Crosby, c'était John Leclerc. Si ça, pas fait des séries pendant 3 ans de temps, ils ont gagné la coupe après. Ouais. En tout cas, ouais, c'est de la merde. Ça s'en va, eux autres. Les Bruins. Patrice Bergeron, blessé pour au moins 4 semaines. Il s'est pété le sternum. Ça peut faire mal en crise. Ah, tabarnak. C'est sûr, au côte et au sternum. C'est quoi, ça doit être douloureux. Mais le gars, il t'a rentré, toi, ça. Ça, c'est rough pour revenir parce que tu peux pas te faire plaquer avec ça. C'est leur meilleur joueur. Combien qu'ils disent? Au minimum 4 semaines. Fait qu'il faut qu'il réévalue en 4 semaines où est-ce qu'il va être rendu. Fait que pour moi, c'est une coupe de mois. Une coupe de mois, man. Fait que sur la saison, un petit peu Boston. Sharrow a été blessé. Il y a un autre qui a dit tantôt qu'il est blessé. McAvoy est blessé. T'as un autre défenseur aussi qui est dans le top 4. Je me suis dit, c'est lequel justement, je peux poser la question. Cette semaine, il vient juste. Tu sens ton pool aussi? Non. OK. moi, peut-être. C'est sûr, à défense, ça va pas bien. Tu sais, Krug, il a manqué le début de la saison. Là, il est revenu. Chara, il est tombé. Puis non, ça va juste. Non, mais c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Fait qu'il faut gagner demain. Fait que demain, on va se faire péter 6-0. Ah, il faut parce que Rask connaît pas un bon début de saison non plus. C'est-tu Halak qui joue même? J'ai l'impression qu'Halak va gauler parce qu'ils ont perdu la dernière game avec Rask. Je pense qu'Halak va revenir. C'est un duel Price-Halak et Halak va se faire défoncer. Halak était bon contre nous autres. Mm-hmm. Ouais, mais là, Halak est rendu. Il y a quelque chose à prouver. Quand je joue avec Islanders, man, il nous a massé, man. Ou tu mets de la cannelle dans son verre de lait, là, puis il fait le pas. Il nous a massé. La cannelle. Cannelle. Calisse. Tu lui donnes du lait de poule. Mais comme du pudding, oui. Du quoi? Du pudding. Du quoi? Tu parles. Ben, pudding au riz, Chris, c'est bon. Pudding au riz, c'est dégueulasse, du pudding au riz. C'est bon avec la cannelle. Du pudding au riz, du pudding au pain, il n'y a rien de plus dégueulasse. Pudding au riz, c'est correct. Moi, j'aime ça avec la cannelle. Je suis d'accord avec toi, Dave. On n'est pas dans la jasette. Fait que là, on s'en va sur, du côté des Ducks. Ça, c'est comme des flans et des hosties de niaiseries de même. Flan. Hey, tabarnak, donne-moi du flan de merde. Du vrai dessert, esti. Une tarte renversée. Un bon petit mets, ouais. Pudding au riz. T'as fait un dessert, esti, avec une céréale, tabarnak. Lâche. C'est ça qui est bon. Tu laisses-moi faire. Ça fait une farine, c'est de la céréale, puis on fait des gros tours. Les Ducks, maintenant. Mais messieurs, ouais. Qu'est-ce qui se passe à Anaheim? Camp Fowler, ouais. Fracture du visage. Asti, il y en a tombé. Tout le monde s'est fait péter visage, la face cette année. Ça sent la visière. Ça sent la visière? C'est pas une céréale. Ouais, parce que là, il y a un règlement dans la NHL où la visière, dans le fond, tous les nouveaux-nés qui commencent la ligue, je pense, ouais, en 2020. Les nouveaux-nés, Il faut qu'ils portent une demi-visière. Il y a comme des incubateurs, man, des arénas pour les joueurs de hockey. Ils sont obligés d'avoir la demi-visière. Ouais, mais là, ça va-tu venir à la visière full face? Hey, à la Delorier? Jamais. L'association des joueurs pourra jamais. Pourquoi il y en a plus cette année? Delorier, c'est un grillage. Pourquoi il y en a plus cette année? Ça arrive de même. Je pense que c'est un bad luck. Ben oui. C'est, ouais, c'est ça. Il n'y a pas un nom que. Ouais, c'est Johnson, il a reçu deux pocs à deux fois. Ah ouais. Hey, c'est du hockey, tabarnak. Lui, c'est de sa faute. Ça fait mal. Ouais, j'ai pas fait de. T'es pas là, Asti, pour te faire un passage. Ouais, c'est pas du. Non, mais Johnson est épais, ça aurait mis deux fois de même. Ah oui. C'est tellement sa faute. Il s'est assuré que son visage pogne le poc pour bloquer le tir ou dépendre son cul. Non, non, tu sacrifies Calis, man. Tu joues une game rough. Ça peut faire mal. Mais la deuxième shot, c'est pas de sa faute. Là, puis non, le full face, ce stu, là, tu mets le full face. Mais ça s'appelle du monde comme. Il y a comme un. C'est déblogué, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. C'est pas. Ce qui arrive. Mais ça serait, mettons, des suggestions à la Quentin, ça. Ah, ça prendrait des visages. Non, tout a l'air beau. Ouais, puis là, oublie ça. Au moment où il va y avoir des visages pleines. Dave va vomir un peu. En parlant de full face. C'est fini, là, les petits combats. Les batailles, ouais, full face. Qu'est-ce les Américains, ils adorent ça. Voyons du monde de même. Là, non, mais les Américains, ils aiment ça, la bataille, man. Puis les marchés américains, pour moi, c'est important. Puis... Moi, man, honnêtement, je ne mettrais pas de full face. Non. Faut encore faire full face. Anyway, tu penses vraiment qu'ils vont mettre un full face? Ils ont fait une entente pour les commotions, ça fait pas longtemps. Là, une coupe fait 2000 chaque. C'est ridicule. Ils sont en train de faire puis on dit oui. Ouais. Qu'ils le feront pas. Ouais. Prochain sujet. Joe Thornton a atteint le plateau des 400 buts. Ouais, bravo. Depuis que c'est depuis année, que coupé à la barbe, ouais, là, c'est il est revenu barbe, aussi, comme un père, un bon père de famille. Ouais. Ouais, c'est plus un passeur, doit avoir de la passe en estime. Il va se rendre compte qu'il y a un gars de 20 buts, 80 passes. Ouais, il y a une face longue, Thornton. Ouais. Ben, il fait du long. Il y a une face quasiment aussi longue que sa barbe. Il a commencé à jouer à l'âge de 18 ans, Joe. Hein? Premier centre des Blues de Boston. Il a fait chier un peu en série. Il a jamais gagné contre nous, je pense. Le bon Joe. Non, toute une carrière. Pour grand pas de coupe. Pas de coupe, pardon. Pas de coupe. Non, il était considéré comme un choker. Mais il s'est coupé à la barbe, fait que déjà, voilà. Il y a une coupe. Une coupe de barbe. C'est ça. C'est bon. Oh. Ben, cette année, c'est faux que ça nous aille. C'était trop long. Ouais, j'ai manqué mon cue sur le soundboard. J'avais deux années qui doivent aller au bout. Deux petits derniers sujets. La saga William Nylander, toujours pas réglée. Qui le veut, lui? Ouais, moi, je pense qu'il jouera pas cette année. Moi, je pense que non. Ça va se régler bientôt. Il faut que ça soit réglé avant le 1er décembre. Donc, il reste 8 jours. Il reste 8 jours au total. Moi, je pense que ça va se régler. Puis l'affaire qui arrive, c'est que le gars qui s'occupe du dossier n'a aucune expérience dans NHL, Carl Dubas. Dumas. Puis apparemment, il a tâté le terrain pour savoir s'il y aurait eu une demande pour ce gars-là. Puis à date, les équipes font juste raccrocher la ligne au nez à Dubas. Là, parce qu'il demande trop d'affaires. Là. Il est cave. Il est vraiment cave. Là. Il reste 8 jours. Écoute, c'est parce que Babcock est optimiste. Babcock a dit « Je suis optimiste que ça se règle. » C'est sûr que c'est les autres. Ouais, mais c'est que le fait qu'il reste en Europe, c'est un dossier qui est réglé pour la saison. C'est ça qu'il a dit. Après, ben, si ça passe le 1er décembre... Parce que là, si William Nylander manque une saison complète à cause d'une condition contractuelle, là, Il va devenir quoi, ce joueur-là? Ça fait mal pour son développement, non? Ah, pour le vrai, je pense pas. Je pense qu'une autre équipe va aller chercher. Qui? Ouais, faut que ça soit fait dans pas long. Non, non, non. Je parle. Non, après ça, il perd cette année. Mais après ça, l'année prochaine, les équipes vont se pitcher dessus. Là. Peut-être au cours de après l'été. Le repêchage, là, Yov, lui, il est joueur autonome. Man. Tout ça parce qu'il y a eu un meeting. Je sais pas si je vous l'avais dit, ça. Shanahan a rencontré illégalement Nylander, Matthews et Marner. Un DG n'a pas le droit de rencontrer ses joueurs puis parler de contrat. C'est dans la convention collective, puis il l'a fait parce que Shanahan, il est cave. Puis il a dit aux joueurs, les gars, si vous voulez gagner à Toronto, vous devez accepter une diminution de salaire. Une couple de semaines après, il donne 11 millions à Tavares. Comment tu réagirais si tu serais Matthews? Mais si tu veux gagner, faut que je donne 11 millions aux autres. Il faut qu'il y ait moins que Tavares. Ben oui. Tu accepterais-tu ça? T'es encore jeune. Je te donnerais pas 11 millions. Ouais, c'est gars, il va avoir moins longtemps. Un gars comme Matthews. Il n'y aura pas de bridge. Ouais, un gars comme Matthews. Il n'y aura pas de bridge contract. Lui, il va avoir un gros contrat. 5, 6 millions. Millions. Hey, combien? Quoi que t'as dit? 6 millions? Non, pas Matthews. Je parle de Nylander. Mais Lander, il demande 8,5, j'imagine. Mais non, mais Matthews, là, mettons Matthews, il va lui donner. C'est ce gars-là, c'est minimum 10. Là. Tu pars à 10, là. Eichel vaut 10,5, non? Eichel? Ou 8,5? Je sais pas exactement. J'irais plus vers le 8. Il faut qu'il y ait au moins minimum avec ce que Eichel a. Ben, minimum, là. C'est ça, 8. Dress Eichel, lui, c'est 10,5, quelque chose comme ça. Ouais, mais lui, c'est plus années. Dress Eichel. Puis Matthews. Ouais, mais Matthews, ça va être un contrat long terme. Là. Ça va être du 8-10 ans. Là. Non, c'est 8 ans, c'est pas la. Ah, c'est 8 ans. Non, c'est ça, moi, c'est 8. C'est parce 8 que tu as. Écoute, si t'as le livre tatoué sur le cœur, tu prends du 8 pour 8. Je pense pas que ça va arriver, man. Puis le pire, c'est que. Il vient de finir. Du 8 pour 8. Mais Marner aussi, il faut qu'il signe. Marner. Tu veux-tu des coupes ou tu veux jouer à la moi, je pense que le livre, à peu près, genre, ça assomme. Puis Marner, il faut qu'il signe aussi. Puis Gardner devient UFA, fait que Gardner aussi a besoin d'un contrat. S'il est parti, t'as un 3 à défense, là. À qui tu vas donner tout cet argent-là? Toronto va faire exactement ce que Chicago a fait, sauf que Chicago a eu le temps de gagner 3 coupes avant ça, ou 2. 3, je pense. Ouais, 3, ça se peut. 4, 2. Puis Toronto. Une coupe. 2. Le fait d'avoir signé un gars comme Tavares, là, ça a fucké tout le côté comptable. Ça a fucké tout ça, c'est-tu. Toi. Ouais, mais gars, on va voir. Mais pour le vrai, Nylander ne devrait pas signer cette année et attendre. Puis dans un monde idéal, si tu veux changer Nylander, tu vas changer un défenseur. Non, mais ça, bah, Nylander ne devrait pas signer avec les Leafs. Prendre son année sabbatique, man, puis après ça, signer l'année prochaine pour la totale. Dans check bien ça, il va s'échanger à Nashville contre Subban. Ah non, ça arrive pas. Ça peut arriver. Si Toronto, ça peut arriver, c'est la partie des rumeurs de mal qui sort sur mais bon, les réseaux ça. Sociaux. Ah ouais, c'est cette rumeur-là est sortie pour ouais, vous? Ouais, sortie. Que Subban s'en irait à Toronto. Sauf que ça serait niaiseux parce que Subban, genre, il gagne 9 millions, puis c'est ça que tu veux pas donner à tes jeunes c'est qui ça, ont. Ça donne quoi, qui forment le noyau du club. Mais ça, c'est ridicule. Ah, ça marche pas. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui colle pas, là. Et dernièrement. Martin Brodeur, intronisé au terme de la renommée. Ah, félicitations. Bravo. Thank you, Martin. Il a battu combien de records, là? Tu sais? Ouais, il mérite, là, Chris. Ah, ben, honnêtement, là, mettons, c'est le meilleur goleur la soeur sa femme, de l'histoire. Ouais. Moi, au Brodeur. Ben, je pense que c'est Brodeur. Ouais, moi aussi. Non, non, mais. Moi, j'avais les cartes de Brodeur. Les stats. Meilleur goleur. Meilleur goleur. Parce que Brodeur a joué, je te dirais, le trois quarts de sa carrière. Moi, tu me donnes devant le la trappe. Devant la trappe. Moi, tu me donnes le choix entre, justement, je m'en allais là-dessus. Tu me donnes le choix entre Roy puis Brodeur, je vais prendre Roy. Bon, moi, toi. Avec. Pour la fougue. Ouais. Pour son énergie puis son style. Non, mais lui, il pouvait transporter une équipe tout seul. Puis Brodeur, il avait un système Brodeur, défensif. Brodeur, il avait une équipe défensive devant lui. Fait que, mais j'y enlève. J'y enlève vraiment rien. Moi non plus. Il mérite toutes ses victoires, toutes ses blessures, tous ses matchs joués. Il y a combien de coupes, là, Brodeur? Il doit en avoir au moins Dieu, deux, je pense trois, qu'il là. En a trois. Au moins, on dit quatre. Ouais. Trois, quatre. On va dire quatre. Il est le quatre. J'ai rendu au quatre. Quatre. Ben, Roy, il y en a quatre. Quatre coupes. Roy, il y a quatre coupes. Quatre. Roy, il y a quatre coupes avec deux clubs différents. Ouais. Deux à Montréal, dont une qui a gagné. Je te dirais même quasiment deux. OK, je pense que c'est pas obligé de nous rappeler. On s'en rappelle. Si on écoute le podcast, c'est ça, Vanesti. Non, mais Patrick Roy, là, dans le fond, ce que j'aime de lui, c'est parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, j'écoute le hockey. Roy, là, un jour, je voyais Sarah Mais, je dis, Monsieur Roy, grâce à vous, j'écoute le hockey. J'aimerais ça. Moi, j'écoute le hockey à cause de mon père. Je pensais que souvent un speech avant. Moi, tout, j'écoutais le hockey à cause de mon père. C'est pratique. Après ça, j'aimais bien Patrick Roy. Je me croise au restaurant. c'est quoi au Como à la il se pratique un speech, man. Monsieur Roy, grâce à vous, Monsieur Roy. Si je suis devenu partisan. Là, quand il va arriver, il va arriver devant lui, il va juste faire. Mais qu'est-ce que mon premier hockey que j'ai eu à vie, là, c'était un bâton de goaler. C'est le premier match au Forum de Montréal, là, c'était au mois de novembre en 92. Contre c'est ton premier hockey, c'est chiant, Esti. T'as vu là ton premier hockey, un bâton de goaler. C'est moi qui l'ai choisi. C'est moi qui l'ai choisi. C'était au Forum de Montréal, c'était le retour de Pat Burns au Forum. On a perdu 5 à 4. J'ai confondu Jean-Jacques Desnieux à Denis Savard parce que Desnieux patinait vite à cette époque-là. Puis Roy, il m'a épaté. Puis mon père, le lendemain, il m'a dit « Tu as un bâton de joueur de hockey? » Il dit « Ouais. » Puis j'ai pris le bâton de goaler. C'est le repos. Moi, mon premier bâton de hockey, c'est un Titan Blamen de Wayne Gretzky, droitier. Puis en plus, je serais supposé jouer de la gauche. J'écris de la droite. T'sais, d'habitude, les droitiers, on joue de la gauche. Mon père m'a acheté un bâton à droite. À cause de ça, moi, je joue de la droite. Ouais. Mais je me rappelle, c'était un Titan blanc et rouge. Et voilà. Des beaux souvenirs. Moi, c'était un Sherwood en bois. Man. Ah, mais tout, en bois, là, dans ce temps-là. Mais brun, là, tu sais, comme. Ah, ouais, t'as le beau brun. J'avais le Sherwood. Avec la curve, j'avais la curve de Gretzky. Moi, c'était blanc et turquoise. Puis la palette était comme presque drette. Ah, la mienne avait une bonne curve. En bois. Moi, j'étais un bâton de mal. Tout est dans la curve, Patrick. Oui, t'es hâte. Mais moi, j'ai... Après ça, le monde a commencé à avoir des Easton en aluminium. Ça, tu étais hot en esti quand t'avais des Easton en aluminium. Fait que le podcast est fini, messieurs. Ouais. Jeff, est-ce que t'as un call-out ce soir? Ben oui. Il a ramené le doigt. On voit le finger, là. Fait qu'on va ramener le doigt du call-out. C'est quoi depuis tantôt, là? En vous rappelant que la soirée du podcast et ses membres se dégagent des propos tenus par Jeff Mallette. On le voyait dans ce plan-là. Okay. Voilà. Je tiens à dédier mon call-out cette semaine à Jean-Charles Lajoie. Oh, ah, c'est sûr, man. Tu penses au tardeur, man. On va revenir après là-dessus. OK. Ben, juste pour résumer un petit peu la situation, Jean-Charles qui s'est chicané avec Max Truman dans les coulisses en ondes la semaine passée pour lui dire que la station n'était pas en danger, que tout allait bien. Puis qu'il a même envoyé chier l'été passé pour lui dire que non, la station est là pour demeurer. Il s'en va à TVA. Une émission. Le lendemain que ça a été annoncé que ça devenait probablement exactement. Une station musicale. Puis le pire, c'est que ça a été négocié depuis le mois de juin. C'est juste qu'il y avait une clause de ferme ta gueule qui ne voulait pas en parler. Fait que quand il a envoyé chier Max Truman au cours de l'été puis qu'il a voulu l'humilier ses réseaux sociaux, là, t'sais, Max Truman, t'sais, il a ses défauts aussi, là, mais... Il ne méritait pas de se faire insulter par un personnage connu. Il était en train déjà négocier avec TVA pour colisser son camp. Ça, c'est une station qui a bâti de rien, ça. Il a pris Radio X, Radio Caca, pour faire 91.9. Puis là, il s'en va à TVA. Okay? Jean-Charles Lajoie, là, c'est pas un bon animateur. C'est un gros tabarnak. Si tu veux savoir, dans le fond, par où ce qui est passé, là, quand il y a des notes sur la feuille et il y a des traces de doigts de gras, là, c'est parce qu'il l'a lu, la feuille. C'est juste du hate, man. C'est sûr, c'est pas du hate. Pas un bon animateur, mais. C'est un y a gars une qui. Une émission super connue, il y a plein de fans. Ils ont fan base. Non, je sais, mais c'est parce que c'est arrivé au Québec, c'est que beaucoup de monde qui sont pas instruits. Arrête. Okay? Ça, c'est baisser le monde pour rien dire. Non, mais c'est vrai. Hey, écoute. Là, si tu veux vraiment savoir qu'est-ce qu'il y en est, là, tu sais, je vais faire un peu comme l'émission Décès d'America. Il n'y a pas du monde qui écoute ça ici, t'asseoir, man, il écoute Jean-Charles. Fait que c'est ça que t'en as. Je suis pas sûr que tout le monde apprécie Jean-Charles. Il y en a pas mal, man. Non, je pense que le monde apprécie Jean-Charles. Moi, j'ai vu des commentaires du monde qui commentent sur notre page, man, puis qui commentent sur Twitter Jean-Charles. Ah ouais? Ouais. Non, j'ai pas vu. Fais attention. Ben, je l'aime pas, Jean-Charles Lajoie. T'as le droit de pas l'aimer. T'as le droit de pas l'aimer. Je l'aime pas parce que c'est pas un gars d'équipe. Il s'en calisse. Le gars, là, c'est un hater dans les coulisses. Il envoie chier le monde comme solide. Il a calissé du monde dehors sans aucune fucking raison parce que le gars, il a un ego plus gros que son esti derrière. Là. Fait que c'est épouvantable. He's the star of the show. Oui, mais il faut qu'il travaille en équipe, man. Femme ta fucking gueule. Quand Mathias Brunet, genre, un gars qui connaît le hockey, commence à expliquer son point, il l'envoie chier quasiment. Ouais, parce mais qu'il des pas fois, Mathias connaît son hockey, mais tout, des fois, il... Ouais, mais ça, cheer en même temps, ça, en même temps, ça fait partie du show. Là, ouais. Non, non, Jean-Charles, il prend tout personnel pour lui. Il connaît tout au hockey, puis il est au-dessus des autres. Man. Qu'est-ce qui s'est rendu, est-ce qu'il menace des enfants de 16 ans qui arbitrent au hockey dans le junior? À un moment donné, femme ta gueule, reste assis. Man. Tu fais honte aux parents, ça à glace, gros tabarnak. Là, à TVA, là, l'avantage que tu vas avoir, là, c'est que tu n'auras pas de code d'écoute. Personne ne va pouvoir t'écouter parce que qui écoute TVA Sport ici, entre nous quatre? Really? Really? Tu m'as. Je vais peut-être l'écouter sur l'émission. Ouais. Ça joue quand tu travailles. J'ai même pas le poste. C'est pas grave, je vais l'enregistrer. J'ai un PVR. Tu vas enregistrer une émission sur TVA Sport. Je vais le checker, juste pour la fun. Il fait des bonnes entrevues quand même. On va pas le checker. Mais finalement, c'est ça. Tout ça pour dire que Jean-Charles Lajoie, je te souhaite la meilleure des chances à TVA Sport. D'après moi, tu n'auras aucun succès. Et puis, je te dis, mettons, peut-être d'ici un an, TVA va s'apercevoir que tu coûtes fucking trop cher pour ce que tu vaux, que tu vas perdre ta job, puis tu vas probablement te partir un podcast en compétition avec nous autres, puis on va te clencher comme d'habitude parce que t'es juste mauvais. Oui, parce que c'est pas comment brancher deux fils, man. Il engage les techniciens, sort du cégep, t'abandonnes. Il n'y a pas besoin de savoir comment. Est-tu fini ton call-out, là? Oui, il est fini. Parce que c'est dû être mal placé, parce que moi, je l'aimais pas, Jean-Charles, pour ses opinions, mais je respecte quand même ce qu'il a fait, puis il y a un méchant fan base. Comme qu'ils suivent. Je ne suis pas un fan de Jean-Charles, moi, mais, non mais, plus. Mais c'est parce que c'est une aberration que le 91.9 ferme, par exemple, parce que ça prend des réseaux sociaux au Québec. Puis avec lui, j'aurais fait la même affaire, man. J'aurais crissé mon camp, fuck you, man. Tout le monde a son prix. Puis quand t'es la star d'un show, puis t'auras beau dire ce que tu voudras, c'est la star du show. C'est son show. Puis ce gars-là, ben, c'est sa station. Peut-être, mais à Star, quand t'écoutes pas, je call. Ça fait que ce gars-là, il y a des opportunités qui s'offrent à lui. Puis il sait que ça va devenir une station de pop. Musique. Mais ou il est tellement overrated. Il vaut pas ça. Raison, on va le voir. Hey, il y a les ratings qui viennent avec. Ouais, mais attention à la télévision. C'est comme Jerry Springer, tellement overrated. Il n'y a jamais eu de show TV. Ouais. Il n'y a jamais eu de show TV. Il a déjà été à la télé, par exemple. Il a déjà été à la télé. Ouais, mais c'est une différence entre présence et animer un show. Mais justement, il a déjà été à la télé. Prochain niveau. Honnêtement, la dernière fois que je l'ai vu en entrevue, tout le monde en parle. Je l'ai trouvé, man. Il a pris de l'expérience depuis le temps qu'il était à 110%. Tout le monde pourrait aller, tout le monde en parle. Mettons quelqu'un qui est dans l'actualité. Non, il a été bon. Il a été bon. Il parlait bien, man. Il expliquait. Puis il vulgarisait bien. Je suis sûr qu'il va faire une bonne. Il a des bons contacts. Puis il y avait des bonnes réflexions. J'étais-tu d'accord avec tout ce qu'il disait? Non. Non? Il fait partie de la game. Mais y a-tu des bonnes réflexions? Ouais. Puis s'il y en a, s'il y en a un... dans un show propre... Mais s'il y en a un, en plus, qui défendait les blogs puis les podcasts indépendants... Puis si on demanderait qu'il nous supporte, il nous supporterait tout de suite, Jean-Claude. Non. Jean-Charles. Jean-Charles. Oui, tu écris, hey, Jean-Charles. Stéphane Jean-Pierre. Jean-Charles, regarde, on a un podcast, là, puis il nous suit en plus. Il nous suit, puis il nous a déjà retweeté. Le gars, c'est un bully. Il retweet tout, man. À un moment donné, je l'ai envoyé chier, puis il m'a retweeté, puis il m'a laqué mon tweet, man, parce qu'il lit même pas les fucking tweets. Arrête, si j'ai mon show à moi, puis tout, là, puis il y a quelqu'un, un employé qui me fait chier, puis tout, puis que je suis pas d'accord avec lui, puis qui mérite. Là. Je vais le considérer sans question. Là. L'autre, après ça, c'est sûr qu'on est chialé, mais mis théâtre. Ouais, il a souvent remercié du monde sans donner aucune raison. So valable. What? T'as le droit c'est de faire équivalent ça, que ça genre, souvent qu'il jase avec le monde dans le stationnement pour lui dire sa façon de penser. Et ça, c'est rendu quasiment... Là, c'est le boss qu'on lisse, mais c'est le boss. Ah ouais, mais à un moment donné, premièrement, il y a quelqu'un genre qui l'endosse. Fait qu'il devrait peut-être être un peu plus professionnel que ça, man. Non, je te dis. Puis en plus, le salaire qu'il met à TVA Sport, ils vont le signer parce que je sais pas combien qu'ils gagnent. Non, mais c'est sûr que ça doit être généreusement payé. Non, ça peut être 120 000. Parce qu'ils ont dû résilier son contrat avec l'autre. Ils ont dû donner un check à 91,9 pour chercher. 91,9, c'est sûr qu'ils sont bien contents de s'en débarrasser. Ils sauvent du cash. Puis chaque intervenant qui a, lui, de qualité, tu sais, Bob Hartley, Michel Therrien, Mathieu Osbounet, ils coûtent cher comme intervenant. Puis on a même coupé cette année parce que là, ils ont pu. Mais Bob Hartley est à la RDS, il ira pas à TVA. Mais Bob Hartley. Ouais, des fois, au 5 à 7. Là, Bob Hartley doit pas être là souvent. Là, il est rendu coach. Mais à toutes les soirs, il est avec Jean-Charles. Puis Michel Therrien. Encore à Star. Ouais. Même puis, si c'est de la Moscou. Puis Michel Therrien est à RDS, à l'an de chambre, une fois de temps en temps. Fait qu'il ira pas à TVA. Là. Ouais. Tous ses contacts, ils ont déjà un contrat de TV avec une autre station qui compétitionne contre eux autres. Ça se peut que Michel y arrête puis qu'il est avec Jean-Charles. Mais bon, c'est... Je sais pas, man. C'est weird la façon qui est partie avec le timing. Ben, justement, c'est TVA paye. Québécois, on peut donner bien plus de cash à Therrien peut-être qu'à RDS. Ouais, mais je pense pas. Écoute. TVA, c'est québécois, ça? On spécule, là. Non, mais TVA, c'est québécois, TVA, ça? Ouais. Il va se ramasser à Cube Radio, c'est sûr. Il va se ramasser sur la radio aussi. Web aussi, là. Aussi. Je savais pas qu'il y avait une chaîne de radio. Fait que, tu sais, vraiment... GF, là. Steve, honnêtement, non. Ben, je savais même pas. C'est quoi, ça? Anyway. Cube Radio, la radio de québécois sur le web, là, qui a du Trisac qui est rendu là, puis il y a un gros paquet. C'est quoi, la chaîne? OK, Martino, c'est pis... ça, là? Ouais, c'est pas une chaîne, c'est la radio sur le web. C'est une station web. C'est comme aller écouter de la radio sur Internet. Puis le peuple écoute ça. Le peuple. Oui, le peuple. Oui, Les petits peuples écoutent ça, JF. Mais ceux qui vont l'écouter à Radio Web pendant leur char. Le monde qui écoute Je fais sur mon sel passe le Bluetooth. Ah ouais, moi aussi, c'est les applications. Tout le monde fait ça. Ah ouais. Cogeco, je l'ai écouté longtemps. Ça a au-dessus de 100 000 auditeurs. Ben oui, calice. Si Jean-Charles ferait un show juste sur le web, il y aurait tout ce monde qui irait là. Moi, j'ai des doutes. Ouais, Jean-Charles est suivi en tabarnak. Je pense pas que ça s'en met l'auditeur, ça. Le premier. On dirait qu'il est comme déçu. Le premier. Non, je suis pas déçu midi, parce que ça n'a pas que les chiffres du 98.5. On s'en calisse. La première place qui est allée. Commence. Le JC Lajoie, quand ça a sorti, c'est à Dutrisac sur Cube Radio. Mmh. Ouais, parce que ça appartient à Québécois. C'est ça, fait qu'il y a du monde qui écoute ça. Là. C'est pas nous autres. Là, c'est la génération en haut de nous autres, je pense, qui sont plus le public cible de ça. Fait que c'est les mononcles, les matantes qui ont des iPhones et qui font comme, hey, une application de radio web du Québec, download, c'est fini. C'est ça. C'est ce je pense pas, Jay, parce que le monde de 40 ans. Tabarnak, et plus, tu n'as pas mossé là-dessus pour vrai. Non, non, là, le monde de 40 ans, ça écoute XM Radio. 91.9, là. Il y a personne qui écoute fucking XM Radio, tabarnak, Jeff. Excuse-moi, il y a des millions d'abonnés, je sais, on en oui, a aux États-Unis, calé, c'est pas ici. Je connais pas beaucoup de monde. Je vais faire un micro. Pour vrai, c'est impossible. Pour vrai, mallette. Je te dis, je te montre les chiffres. Tu n'as pas les chiffres d'XM Radio. Écoute-moi, mallette, écoute-moi. Impossible. Les baby boomers sont tous là-dessus. Il n'y a pas des millions de baby boomers. Tu quelque chose, s'il te plaît? Il y en a plein encore. Honnêtement, là, dans mon entourage, là, je connais, au Canada, là, je connais personne qui a XM Radio. J'en connais pas un calice. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est parce que, mettons, regarde, je travaille dans un concessionnaire, puis je te garantis, là, au-dessus de la moitié des gens qui ont une voiture GM présentement. Ouais, parce que tu donnes. Parce que ils donnent pas, ils payent 120$ par mois pour l'avoir. Ouais, parce qu'ils oublient de calculer leur abonnement, c'est après la signature du contrat. Ben non, Chris, il va sur le cadre de crédit, man. Ça a changé, c'est pas pareil. Il paye pas à toi. Il paye XM Radio. Ben c'est ça. Comment tu peux être sûr qu'ils le désabonnent pas après un. Ben parce que nous autres, on a les stats. Parce que XM Radio veulent qu'on leur propose qu'ils s'abonnent. C'est facile de dire. Ils hey, sont appelés à tous les mois. Ben oui, ben oui. Parce qu'eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils écoutent, mettons, les chaînes. Là, je sais pas pourquoi on parle de ça, là, mais c'est, mettons, c'est les ADs, les 70s, les 50s. On devient en Josette, là. Le monde écoute, mettons, une chaîne de musique uniquement pour ça. Mais ils écoutent pas le contenu. Le GF, là, c'est que Jean-Charles, il y a un assez gros fanbase. Qui vont suivre TV Sport. Tu as juste à checker son fil Twitter, man. Tout le monde est. Tu sais, puis il est pas si mauvais que ça. Il y a des choses que des fois je trouve fatigantes dans son show, mais il y a des bons bouts, puis il y a des bonnes choses. Mais c'est correct parce que souvent il amène des opinions contradictoires puis de d'autres mondes. Des fois il sort des scoops, man. Je sais, mais je pense que sa lumière va tranquillement parler. Oh, on a dit ça après c'est cassé. On verra l'année prochaine, qu'est-ce qu'il vous dans une couple de mois. Ça commence en janvier son show. Que on a dit ça après c'est cassé qu'on le verra plus jamais. Ça se peut qu'à la télé ça marche pas. Mais ils vont le recycler. Ils vont venir à la radio. Ils vont venir à la radio. Ouais, il va être à Québec. Oh, il va savoir toujours un chèque de paye. Ouais, combien de fois c'est arrivé des animateurs de radio qui ont passé à la télé et qui ont fait comment on va venir à la radio? Pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Michel Langevin, ils n'ont pas la même drive à radio, Michel à la télé qu'à radio. Ouais, mais lui, il est Kid Kodak. Il va réussir. Ah, lui, c'est un philosophe, il n'est pas à TV. Pas philosophe. De quoi tu dis? Parce que tu as dit Kid Kodak. Mais non, j'ai parlé de GC, le jeu. Anyway, le jeu terminé, messieurs. Kid, Kid Kodak, c'est une expression pour dire quelqu'un qui est maniaque des caméras. Ouais. OK, parce que dans ma tête, ça, en tout cas. Ouais, philosophe. Oui, là, au ballon blanc, surtout. À la sortie du ballon blanc. Ouais. Avec les yeux et les pieds. Il est très populaire sur Instagram. Et dans les gyms de boxe, bizarrement. Pourquoi on est rentré dans les philosophes? Des light sticks dans OK, les on peut-tu finir ça? Peut-tu Kid Kodak ouvert une porte? Finis ça, Jeff, ça dérape. Fait que c'est ça. C'est le call out. Ça fait le tour. Non, on a vu le call out. Oh, ouais, c'est ça. Fuck you. Pense que oui. Ça fait le tour pour cette semaine, mesdames, messieurs. Mes petits colis. Fait qu'on se revoit dans deux semaines. Ciao. À la prochaine, tout le monde. Ciao. Ciao.